Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1975, Roger Vrigny proposait aux auditeurs des samedis de France Culture de passer 2 heures en compagnie d'Antonin Artaud. Artaud, mort depuis 1948, mais bien vivant par sa voix dans cette émission et par les souvenirs de ceux qui l'avaient connu, qui en avaient été proches, comme Marthe Robert, l'ami d'Artaud dans le Montparnasse de l'entre-deux-guerres, et Paul Thévenin. Paul Thévenin a voué sa vie à l'œuvre d'Antonin Artaud, qu'elle aura su préserver de la dispersion et de la spéculation. Interne en psychiatrie, elle avait 23 ans quand elle rencontra Antonin Artaud. Il fit d'elle une sorte d'héritière morale, ce qui conduira Gallimard à lui confier l'édition des œuvres complètes de l'auteur de Van Gogh, le suicidé de la société. Un rôle que lui contestèrent toujours, on le sait, les héritiers légaux d'Artaud. Mais après tout, qui d'autre que leurs lecteurs sont les seuls véritables légataires des auteurs ? Que nous puissions l'être aujourd'hui de l'œuvre d'Artaud, c'est quand même bien à Paul Thévenin que nous le devons tous. On la retrouve ici avec Jacques Brenner, Hubert Juin, Henri Thomas et Bernard Noël. En compagnie d'Antonin Artaud, un samedi de France Culture proposé par Roger Vrigny en 1975. En compagnie d'Antonin Artaud. Aliénation et magie noire. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins, et non par les malades, que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ, cette technique thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ces morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi. Et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et vides aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'État appelé Bardot. Cette voix extraordinaire que nous venons d'entendre est celle d'Antonin Artaud que les archives des services phonographiques de Radio France nous ont conservées. Archives précieuses, inestimables, sur la teneur desquelles nous aurons à revenir du reste au cours de cette émission, et dont nous avons extrait cette page d'Aliénation et magie noire, interprétée par Antonin Artaud lui-même quelques mois avant sa mort. C'est donc avec lui d'abord que nous allons être pendant ces 2 heures. Mais comment et pourquoi ? Je crois qu'il est indispensable de bien préciser notre propos d'aujourd'hui afin de dissiper les malentendus et de prévenir les contresens éventuels. « Moi, poète, disait Artaud, J'entends des voix qui ne sont plus du monde des idées, car là où je suis, il n'y a plus à penser. Il ne s'agira donc pas pour nous d'ajouter d'autres voix, de proposer d'autres pensées, de tenter je ne sais quelle exégèse prétentieuse ou bavarde d'une œuvre qui secrète elle-même sa propre analyse, qui ne procède pas de son créateur comme n'importe quelle œuvre littéraire procède d'un poète ou d'un dramaturge, mais qui serait plutôt comme la formulation de sa présence au monde, l'expression d'une déchirure fondamentale de l'être, l'acte d'accusation perpétuelle et renouvelée portée contre l'homme, ce qu'il est devenu, et contre la création, ce qu'elle n'a pas pu accomplir. Donc aujourd'hui, nous voudrions simplement et modestement approcher Antonin Artaud, essayer d'immobiliser quelques instants sa silhouette, son visage, tenter de le faire revivre, agir, parler, comme l'ont vu, entendu, aimé tous ceux qui ont vécu près de lui, autour de lui, dans les derniers mois de sa vie, et qui sont les derniers témoins irrécusables, irremplaçables, d'une destinée fulgurante et hors du commun. Pourquoi le faire ? Christian Giudicelli, il y a d'abord une raison d'actualité dans l'édition. En effet, il y a une actualité d'Antonin Artaud dans l'édition. 4 volumes se sont ajoutés récemment aux œuvres complètes publiées chez Gallimard. Le tome 10 et le tome 11 groupent l'essentiel des lettres de Rodez. Dans le tome 12, on trouve Artaud le Momo et Sigy. Dans le tome 13, Van Gogh le suicidé de la société et Pour en finir avec le jugement de Dieu. On attend pour bientôt, on l'espère, la publication du tome 14 avec Suppôt et Suppliciation. Une autre publication également, les œuvres du poète Jacques Prevel. Du reste, le titre de notre émission, nous l'avons emprunté au journal de Jacques Prevel qui vient de paraître chez Flammarion, sous le titre « En compagnie d'Antonin Artaud », texte recueilli et présenté par Bernard Noël. Alors maintenant, comment nous y prendre ? Eh bien, je crois qu'avant de donner la parole à nos invités, il est indispensable pour nous, et pour nos auditeurs, de fixer quelques points de repère pour expliquer telle ou telle allusion à venir à la vie ou aux œuvres d'Antonin Artaud. Donc, tout d'abord, l'essentiel de sa biographie. Antonin Artaud est né à Marseille en 1896. À 17 ans, sa santé a commencé à s'altérer, et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est plaint de violents maux de tête. Il arrive à Paris en 1920, où il est soigné par le docteur Toulouse. Il fait, un an après, la connaissance de Charles Dullin, qu'il engage au théâtre de l'Atelier, où il jouera notamment « La vie est un songe » de Calderon. En 1923, publication de ses premiers poèmes, « Tric-trac du ciel ». En 1924, c'est la correspondance avec Jacques Rivière qui paraît, et on peut dire que c'est la première œuvre importante d'Antonin Artaud. La première, en tout cas, où il tente avec une rare lucidité de définir ce qu'il a appelé l'effroyable maladie de son esprit. En 1925, deux textes majeurs aussi à la NRF, L'ombilique des limbes et Le pèse-nerf. En 1927, il fonde avec Roger Vitrac et Max Robur étant le pseudonyme de l'historien Robert Aron qui vient de disparaître, il fonde le théâtre Alfred Jarry. Et signalons qu'il y aura lors d'une représentation du songe de Strindberg une bagarre avec les surréalistes. Notons aussi qu'il interprète plusieurs rôles au cinéma, surtout évidemment dans le Napoléon d'Abel Gance et dans la Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer. En 1929, il publie L'art et la mort. En 1931, son adaptation du Moine de Lewis. En 1932, le premier texte du Théâtre de la cruauté. En 1934, Héliogabale ou l'anarchiste couronné. Et en 1935, il monte sa pièce, Les Cenci, dont l'échec public le touche profondément. Au début de 1936, c'est le départ pour le Mexique, d'où il ramènera les extraordinaires textes sur les Indiens Tarahumara. Revenu en France, il veut aller en Irlande, muni d'une canne, la fameuse canne de Saint-Patrick dont il sera certainement question dans cette émission. De ce séjour en Irlande, il faut bien dire qu'on ne sait à peu près rien. On retrouve Antonin Artaud à l'hôpital de Sotteville-lès-Rouen, puis il passe de l'asile de Sainte-Anne à celui de Ville-Évrard, où il reste, on peut le dire, emprisonné jusqu'en 1943. Entre-temps, apparu chez Gallimard, Le théâtre et son double. Sur l'intervention de Robert Desnos, il est remis entre les mains d'un docteur et prix de littérature, le docteur Ferdière, qui le soignera de 1943 à 1946, dans sa maison de santé de Rodez. On a beaucoup épilogué sur le rôle du docteur Ferdière, excellent pour les uns, néfaste pour les autres. Les lettres d'Antonin Artaud, récemment publiées, montrent le poète d'abord confiant en son médecin, puis très violent contre lui. En 1946, il obtient, grâce à ses amis parisiens, sa liberté. Et il vivra ses derniers 18 mois dans la capitale, lui-même ayant une chambre à l'asile d'Ivry. C'est surtout à cette période très féconde que nous nous intéresserons, puisque les derniers volumes qui viennent de paraître chez Gallimard, nous venons de le voir, groupent, outre les lettres, les textes qu'il écrivit alors, et notamment Artaud le Momo, Van Gogh le suicidé de la société, Sigy. Et pour en finir avec le jugement de Dieu, car n'oublions pas de signaler que c'est en novembre 1947, à l'instigation de Fernand Pouet, qu'Antonin Artaud réalisa une émission pour la radio française de l'époque, Pour en finir avec le jugement de Dieu, texte conservé dans les archives des services phonographiques de Radio France et dont la diffusion ne peut être autorisée qu'en son intégralité selon un accord passé avec les héritiers du poète. C'est à cela que nous faisions allusion il y a un instant dans notre présentation. Et maintenant, place à nos invités, Marthe Robert, Paul Thévenin, Evelyne Schlumberger, Jacques Brenner, Hubert Juin, Bernard Noël, Pierre Oster et Henri Thomas pour rester en leur compagnie, en compagnie d'Antonin Artaud. Je me demande s'il ne conviendrait pas tout d'abord de planter le décor de notre discussion. Nous avons parlé à l'instant d'une actualité d'Antonin Artaud dans l'ordre de l'édition. Notamment, la publication des derniers tomes, 12 et 13, nous replonge dans une certaine époque, un certain moment de la vie artistique et littéraire de la France et de Paris. Il y a là, au fond, tout un climat à évoquer, que nous avons oublié, mais un climat que vous, vous avez tous connu, Marthe Robert, Jacques Brenner, Hubert Juin, Henri Thomas. Et je crois qu'il faudrait justement tenter de le ressusciter. Ce n'est pas votre avis, Marthe Robert ? Oui, j'y ai souvent pensé ces derniers temps à cause justement de l'actualité de toutes ces publications qui font revivre une période déjà assez ancienne et qui, au fond, sombrait un peu dans l'oubli entre-temps. Justement, vous avez signalé l'ouvrage de Prevel sur Antonin Artaud, mais on publie aussi en même temps les œuvres complètes de Roger Gilbert Lecomte, qui est mort quelques années avant, en 1943, pendant la guerre, des œuvres de Daumal. Aussi, on reparle beaucoup du grand jeu. Il y a un regain d'intérêt oui. pour ces mouvements qui, à vrai dire, ne constituaient pas des mouvements, mais qui sont nés dans un certain milieu. Et il y a là, évidemment, quelque chose d'à la fois réconfortant, puisqu'il semble que même les choses les plus restreintes à un milieu étroit, qui n'avaient pas de place dans la littérature de l'époque, ou très peu, qu'elles aient maintenant tout de même une postérité. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez attristant, parce que la manière dont on reçoit cette poésie, cette littérature de l'époque, n'est pas tout à fait celle qu'au fond, elle aurait mérité. Je m'explique. En apparence, il y a beaucoup de points de commun entre la génération des jeunes gens, car ils étaient jeunes à l'époque où ils ont créé leurs ouvrages les plus importants, sauf Antonin Artaud qui a créé une très importante partie de son œuvre après son retour de Rodez, c'est-à-dire dans son âge mûr. Autrement, ces gens sont morts jeunes. Prevel est mort jeune, Roger Gilbert Lecomte est mort à 36 ans, Daumal également. C'est vraiment donc une certaine jeunesse qui a créé les œuvres en question. Et justement, il semble que aujourd'hui on les reçoive comme s'ils avaient été, au fond, les pionniers de mouvements qui nous sont familiers aujourd'hui, et qui sont assimilés en gros et grossièrement à l'avant-garde intellectuelle et littéraire. Et il semble qu'en effet, on puisse placer certaines tendances actuelles sous le patronage de Roger Gilbert Lecomte, Antonin Artaud ou de Daumal. Surréalisme, ça on l'a fait bien sûr jusqu'à un certain point, parce qu'il y a en effet des points communs. Les points communs sautent aux yeux, il y a une révolte exprimée par toute cette poésie, par toute cette littérature, une révolte violente, très violente même, et qui ne s'arrête au fond devant rien, j'entends au moins en parole. Et il y a aussi une manière de vivre, un choix dans la vie, qui se caractérise en gros par une espèce d'évasion par la drogue, qui paraît évidemment aujourd'hui conforme à un certain idéal de refus. Refus de la société, refus de ce qui est, refus de la réalité. Refus de la réalité, pas exactement. Je disais qu'il y avait là quelque chose d'attristant et même qui me cause un certain malaise. C'est qu'en réalité, toutes ces ressemblances qui existent, la révolte d'Antonin Artaud est si totale que même aujourd'hui on peut difficilement aller au-delà, car elle s'adresse vraiment non seulement à tout, à toutes les formes de pensée, à la pensée elle-même, mais aussi au corps, à la manière tout simplement dont l'homme est constitué. Antonin Artaud ne peut pas accepter ce qui est, mais ce qui est, non pas seulement socialement, ce qui est, enfin ce qui fait la chair, les nerfs et le corps de l'être humain. Vraiment, sa révolte va, je crois, à l'extrême limite du possible. Cependant, malgré encore une fois les ressemblances, je vois une différence fondamentale, c'est que tout ça se passait dans un autre monde. Et dans un monde qui, malgré tout, était encore entièrement dominé par une certaine idée de la littérature. Je dirais presque une certaine mythologie de la littérature. Et c'est très important, je crois, dans la mesure où tout ce qu'il y a d'excessif dans ce mouvement qui ne porte pas de nom, tout ce qu'il y a donc de totalitaire dans le refus de la réalité, se coule malgré tout dans une forme. C'est vrai pour Antonin Artaud, vous savez combien ce problème, on le voit dans la correspondance d'Antonin Artaud avec Jacques Rivière, c'est là le problème fondamental pour Antonin Artaud, qui se sent ravagé par une souffrance de tout instant, qui souffre mentalement, physiquement, psychiquement, mais qui veut essayer, qui veut malgré tout justement couler cette souffrance dans une forme qui, à cette époque-là, est quand même encore une forme assez classique. Je souffre d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés. Depuis le fait simple de la pensée jusqu'au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. Mots, forme de phrase, direction intérieure de la pensée, réaction simple de l'esprit, je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel. Lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe, dans la crainte de perdre toute la pensée. Je suis au-dessous de moi-même. Je le sais, j'en souffre, mais j'y consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait. Tout ceci qui est très mal dit risque d'introduire une redoutable équivoque dans votre jugement sur moi. C'est pourquoi, par égard pour le sentiment central qui me dicte mes poèmes, et pour les images ou tournures fortes que j'ai pu trouver, je propose malgré tout ces poèmes à l'existence. Ces tournures, ces expressions malvenues que vous me reprochez, je les ai senties et acceptées. Rappelez-vous, je ne les ai pas contestées. Elles proviennent de l'incertitude profonde de ma pensée. Bienheureux quand cette incertitude n'est pas remplacée par l'inexistence absolue dont je souffre quelquefois. Ici encore, je crains l'équivoque. Je voudrais que vous compreniez bien qu'il ne s'agit pas de ce plus ou moins d'existence qui est ressorti à ce que l'on est convenu d'appeler l'inspiration, mais d'une absence totale, d'une véritable déperdition. Voilà encore pourquoi je vous ai dit que je n'avais rien, nulle œuvre en suspens, les quelque chose que je vous ai présenté constituant les lambeaux que j'ai pu regagner sur le néant complet. Antonin Artaud avait des modèles. Et c'est à ces modèles qu'il se conformait ou qu'il croyait se conformer profondément quand il écrivait la première partie de son œuvre, en tout cas. Pour la deuxième, c'est tout différent, c'est vrai. De même, Prevel. Eh bien, Prevel, le cas de Jacques Prevel, qui est en lui-même quelque chose d'assez extraordinaire et quelque chose d'assez rare aussi. Justement, le cas d'un homme qui a été positivement saisi dans sa vie par une image de la poésie qui l'a détruit, tout simplement, à laquelle il a cru d'une manière si absolue qu'elle l'a poussé à la destruction de lui-même, à la destruction de sa propre vie, inconsciemment, en partie, en partie aussi volontairement. C'est donc un don quichotisme de l'avant-garde qui mérite d'être considéré, parce qu'il est rare tout de même. Je sais bien qu'il y avait d'autres forces en jeu dans le cas de Prevel, certainement. Mais nous l'avons vu, nous l'avons vécu, vraiment, le mythe du poète, tel que Prevel le concevait, était un mythe absolu qu'il a cru pouvoir voir, littéralement incarné, dans la personne d'Antonin Artaud. Et cette existence, disons, de modèle auquel, justement, on avait envie de ressembler d'une part et en qui on avait foi, c'était, si vous voulez, à cette époque, tout ce qui restait, au fond, de la foi. On avait foi dans les maîtres qui vous avaient précédés. Roger Gilbert Lecomte faisait de Rimbaud son dieu. Antonin Artaud a passé une grande partie de ses nuits, du moins après son retour de Rodez, mais même avant, à réciter des poèmes de Gérard de Nerval. Et cette récitation de poèmes n'était pas du tout simplement un exercice de diction ou une simple manière. Non, c'était un rite. C'était un rite par quoi il faisait revivre cet homme qui pour lui était un frère en esprit. De même que quand il écrivait sur Van Gogh, si vous voulez, c'était vraiment une manière d'invocation, mais d'invocation réelle, matérielle. Et c'est là, si vous voulez, que je vois la différence profonde, entre cette époque qui était encore très imprégnée d'une espèce de confusion, je dirais presque, entre littérature et religion. Vous savez, Nietzsche disait que tant qu'on croyait à la grammaire, on n'était pas réellement athée. Je dirais que dans ce milieu, on croyait encore à la littérature. Mais à la littérature d'auteur, à la littérature signée et datée. Et cela, c'était, si vous voulez, le lien qui rattachait, d'ailleurs qui créait aussi dans les mouvements des querelles et des conflits absolument sanglants, parce que l'un tenait pour l'autre Réamont, l'autre tenait pour Rimbaud, et c'était absolument irréconciliable. On se battait à mort pour cela, ce qui prouve bien à quel point les maîtres étaient décisifs. Hubert Juin. Ce que dit Marthe Robert à propos du rapport entre les auteurs comme Prevel, comme Artaud, bien sûr, comme Gilbert Lecomte, vis-à-vis des maîtres, c'est passé un peu d'une autre façon pour les gens de ma génération. Je suis arrivé à Paris plus jeune qu'eux. Je suis arrivé à 20 ans, juste après la Libération. Les maîtres étaient évidemment Rimbaud, d'autres, Réamont, puisque nous épousions les querelles. Mais il y avait une sorte d'itinéraire obligé pour quelqu'un qui montait vers Paris, qui venait de province. Moi, je venais de la province Belgique. Donc, il y avait une sorte d'itinéraire qui menait chez Adamoff. Il fallait voir Artaud, enfin, on l'a attendu quand on a su qu'il venait de Rodez. Bon, je voyais beaucoup Prevel. Alors, immédiatement, je n'ai pas eu, si vous voulez, à faire le mouvement romantique de Prevel qui, un jour, décide de refuser toute situation mondaine, parce qu'il avait quand même été employé de mairie, n'est-ce pas ? Nous sommes venus, nous, à Paris comme ça. Le problème ne se posait pas, il n'était même pas question une seconde de faire autre chose, effectivement, que de la littérature. Ce qui fait que Adamoff, Artaud, puisque Gilbert Lecomte était mort, devenaient, pour nous, plus jeunes, les maîtres qui nous transmettaient les autres maîtres. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une lecture des maîtres à travers leurs nouvelles, par exemple. Quand Adamoff a décidé de créer cette revue qui n'a eu que deux numéros, naturellement, on l'a placée sous l'invocation de Rimbaud, cela va sans dire, leur nouvelle est au moins très sévère. Et à partir de là, on concevait cette forme de journalisme pour laquelle nous n'avions bien entendu pas la moindre expérience, comme chaque fois la preuve, justement, qu'on peut ne dire, même dans une revue, que l'essentiel. Roger Gilbert Lecomte avait coutume de dire, et je crois là vraiment que tous les gens dont nous parlons ici auraient pu reprendre ce mot à leur compte, il avait coutume de dire « Je tiens pour un porc, quiconque écrit pour ne pas dire l'essentiel ». Alors, on se moquait complètement, par exemple, que les textes soient édités déjà, qu'ils soient déjà connus ou qu'ils soient inédits. On n'attachait aucune importance à l'inédit. On voulait l'essentiel. On publie aussi bien des textes tibétains que les choses les plus récentes. Un poème de René Char, même un poème de Prévert. Mais justement, c'est très intéressant. Pourquoi cette heure nouvelle n'a-t-elle eu que deux numéros ? Eh bien, pour deux raisons. L'une qui va de soi, par manque d'argent, bien entendu, parce qu'on n'avait rien du tout. Une très maigre subvention d'une dame très gentille qui s'était intéressée à l'affaire. Mais en plus de ça, on avait eu des idées de grandeur. C'était fait chez l'imprimeur le plus cher de Paris, très joliment d'ailleurs. Un travail typographique extraordinaire, une très jolie couverture qui avait été dessinée par le peintre Jacques Germain. C'est très très beau, vraiment remarquable. Enfin, c'était pas possible, comme on n'y connaissait absolument rien, on ne tenait pas de compte, enfin bon, ça devait péricliter déjà à cause de ça. Mais il y avait une autre raison, et qui au fond a été la raison décisive. C'est qu'on voulait continuer à ne dire que l'essentiel, ou ce qui paraissait l'essentiel à nos yeux. Si bien qu'au bout de quelques temps, comme il y avait autour de cette revue, autour d'Adamov, qui connaissait beaucoup de monde, qui avait beaucoup d'amis, qui était comme ça assez populaire, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient, des gens très gentils, qui nous aidaient à porter les exemplaires, parce que ce n'était pas du tout distribué, n'est-ce pas ? C'était nous qui faisions les paquets, les enveloppes, très mal, tout ça. Et il y avait donc beaucoup de gens qui nous donnaient leur aide, leur conseil, parfois même un petit peu d'argent, mais qui, tous, écrivaient quelque chose. C'était des porcs. Eh oui, c'était du poète, c'était n'importe quoi. Bref, on s'est trouvé à un moment donné devant ce cas de conscience absolument insoluble, ou bien faire plaisir à tous ces gens qu'ils méritaient, qui étaient très gentils, mais qui n'écrivaient pas l'essentiel, ou bien maintenir notre principe, quitte à disparaître. Et c'est ce qui est arrivé. C'est évidemment la deuxième solution. Mais il y a une chose quand même que je voudrais rajouter, pour confirmer ce que dit Marthe Robert, mais toujours à mon point de vue, enfin, de ces gens qui montaient à Paris, et qui faisaient d'ailleurs que ce n'était pas des Rastignacs, parce que cette idée d'essentiel est touchée, mais il y avait quand même là un phénomène très curieux, qui est le Saint-Germain-des-Prés de cette époque, et on ne vivait pas à Saint-Germain-des-Prés, on vivait en littérature. Oui. Si vous lisez le journal de Prévert, avions tenu un journal aussi, vous remarqueriez que nous ne rencontrions que des gens qui écrivaient, ou au moins chez qui un projet de littérature existait. C'est quand même assez fascinant. Ce quartier, on le voit d'ailleurs en lisant Prévert, puisqu'il a disparu entièrement, on ne peut plus avoir la moindre idée de ce aucun rapport. Quand vous voyez Prévert avec monde, comme disait Marthe Robert, Prévert avec son double ménage, enfin, rue des Beaux-Arts l'un, rue du Dragon l'autre, c'est-à-dire à 500 mètres en vol d'oiseau. Et effectivement, il y a quatre rues qui n'ont pas leur place dans une géographie physique de Paris, mais qui doivent se projeter dans une géographie de la littérature. On le voyait au café. On allait dans tel café parce qu'on savait qui on rencontrait dans tel café. Mais si on allait dans tel autre café, c'était une bande différente, on pourrait dire. Mais on ne vivait que de littérature. On ne parlait que de littérature. À tel point que je ne me souviens même plus comment matériellement on vivait. Ah ben moi, je veux vous dire, enfin, moi je sais très très bien parce que je faisais la cuisine, parfois pas mal de monde, dans une petite chambre d'hôtel, très jolie d'ailleurs, mais très très étroite, où il y avait bien souvent Antonin Artaud qui venait à n'importe quel moment dans la journée et qui s'annonçait à grands coups de tisonnier. Il avait un tisonnier, toujours dans son gilet, et il montait les quatre étages de cet hôtel du 18e siècle. Il y avait un très joli escalier, c'était une très belle maison, complètement dégradée, mais très belle. Il montait les quatre étages en tapant à force de bras sur la rampe de cet escalier. Alors je l'entendais d'en bas, le patron de l'hôtel aussi, vraiment. Il arrivait et il s'allongeait sur le lit. Il semblait dormir, à ceci près qu'il avait toujours un cahier quadrillé, ces extraordinaires cahiers qu'il faut maintenant déchiffrer, et un crayon qui était taillé ou pas taillé, et parfois il se servait d'ailleurs par l'autre bout. Et il écrivait, les yeux fermés, ouverts, il était là. Bon. Ensuite arrivait Adamov, qui venait juste de lire quelque chose quelque part, qui avait découvert, ça Jacques Brenner le confirmera certainement, il avait découvert un auteur de théâtre, puisqu'à ce moment-là il était passionné de théâtre, c'était Kleist, ou c'était Büchner, ou c'était Hölderlin. Il arrivait, et toute affaire cessante, il fallait, tout en faisant la cuisine, que j'écoute les citations qu'Adamo faisait toujours de travers, d'ailleurs, du poète ou de l'auteur dramatique qu'il venait de découvrir juste à ce moment, et toute affaire cessante, il fallait en parler, il fallait l'écouter, et la question ne se posait pas de se nourrir. Il n'était pas question, la littérature primait tout. Et quelle littérature ? C'est cela que j'aimerais bien maintenant pouvoir définir. La poésie jouait un grand rôle à ce moment-là. Si je me souviens bien, moi, je lisais des romans. Et puis, je commençais à m'occuper de Kafka. Mais en général, on ne lisait pas de romans. La littérature, c'était la poésie et c'était tout. Je ne me souviens pas que Roger Gilbert Lecomte, par exemple, n'ait jamais parlé d'un romancier, ni qu'il ait jamais écrit au sujet de quelque chose qui l'avait frappé dans un grand romancier de la littérature mondiale. Antonin Artaud ne m'a jamais, probablement jamais, évoqué un roman devant moi. Jacques Brenner. Enfin, il en avait lu, puisqu'il a fait, par exemple, Le Moine. Sûrement, il en avait lu. Mais je veux dire que ça n'entrait pas dans ce monde de désir, de nostalgie, de rêve que représentait la poésie. C'était toujours un petit peu trivial. Et les gens qui écrivaient des romans, comme Roger Vaillant, par exemple, c'est un des gros griefs que les gens du Grand Jeu ont eu après contre lui. Il écrivait des romans. Jacques Brenner. Oui, pour ma part, j'avais été introduit dans ce milieu par Henri Thomas. Et en fait, moi, j'étais quelqu'un qui admirait, par exemple, beaucoup André Gide. Mais quand j'ai vu ce groupe de près, enfin, Artaud, Adamoff, vous-même, j'étais, je dois dire, intimidé. Car je me disais, en effet, la littérature, est-ce que ce n'est pas ça qui est tout à fait en marge des choses dont on parle ? Et n'est-ce pas l'essentiel, comme vous disiez ? Je dois dire, d'ailleurs, la première fois que j'ai vu Artaud, pour moi, je me suis trouvé devant un monstre sacré, quelque chose qui n'était pas d'ailleurs un littérateur. Là, c'était effectivement le grand poète. Mais d'un autre côté, enfin, j'admirais Gide, mais par exemple, mon grand homme était Lautréamont. Et parlant de Lautréamont à Colette Thomas, Colette Thomas m'a dit, mais nous l'avons, Lautréamont. Lautréamont, c'est Artaud. Je crois en Artaud. Et elle m'a dit, je crois en Artaud. Comme elle m'aurait dit, je crois en Dieu. Exactement, Jacques Brenner. Mais alors, comment parler d'un Dieu ? Quand on veut évoquer le personnage d'Antonin Artaud, on se heurte toujours à cette fascination qu'il exerçait. D'où la difficulté que nous éprouvons, nous, maintenant, à parler de lui. C'est votre sentiment, Henri Thomas. C'est difficile de parler de n'importe qui, mais c'est peut-être plus difficile de parler d'Artaud. On croit l'avoir connu, mais qui a-t-on connu ? Artaud, je ne lui enlève rien en disant ça, était un prodigieux comédien dans la vie. Et, chose étrange, il ne s'en cachait pas. Quand il vous disait « je ressemble à Victorien Sardou », que fallait-il penser ? Parce qu'il avait un béret, il se regardait dans une glace. Mais ce comédien disait quelque chose qui vous introduisait dans un monde inconnu, un monde incontestable, où les mythes construit par Artaud dans la conversation, prenait une réalité, on ne pouvait que les admettre. Lorsqu'il me disait « Henri Thomas, je vous ai envoyé de Rodez une petite potence à laquelle étaient suspendues trois roses. L'avez-vous reçue ?» J'étais obligé de lui dire « Les choses se perdent si facilement dans la poste. » Je suppose que c'était d'ailleurs un dessin. Il est possible qu'il m'ait envoyé. Et ça avait une signification et une portée, disons, métaphysique, amicale aussi. C'est très important, c'est le sens de l'amitié d'Artaud. Il ne se trompait jamais. Il savait les gens qu'il aimait et il les reconnaissait. Il reconnaissait aussi ceux qui le haïssaient, il y en avait. Enfin, le lien affectif n'était pas rompu entre Artaud et ses semblables, si on peut parler de semblables d'Artaud. Et pour moi, c'est très important, ça signifie qu'il n'était pas ce qu'on appelle d'aimant. Rodez, 5 août 1944. Ma chère maman, j'ai bien reçu ta lettre et ton mandat de 50 francs, mais je ne veux plus que tu te prives d'argent pour moi. D'ailleurs, ici, il n'y a plus rien à acheter. Et puis, ce n'est pas de l'argent qu'il me faudrait, mais du pain. Et ce n'est pas à toi à m'en envoyer, mais à mes amis et autres membres de notre famille. Et les colis de Paris et ici ne marchent plus. Et quant au sucre et au chocolat, je crois qu'il faudrait que les anges du ciel m'en apportent pour que j'en mange encore sur cette terre où je n'en ai plus vu depuis des mois. Les hommes ne savent pas ce qu'est le besoin. Et ils n'ont jamais su comprendre à quel point un homme comme moi pouvait avoir besoin de tout parce qu'il a manqué de tout pendant des années. J'ai passé 3 ans, de 1937 à 1940, dans les asiles français, à Paris et à Rouen, sans voir un dessert, ni manger un gâteau ou un fruit, ni boire une tasse de café. C'est que la charité et la pitié ne sont plus de ce monde. et l'amour non plus. Et pourtant tout est basé sur l'amour. Mais les hommes n'ont jamais su ce que c'était. J'étais un homme qui voulait être aimé avec mon cœur et pour lui. Et toutes les femmes m'ont tourné le dos parce qu'elles ne comprennent que l'amour sensuel. Et dès qu'on essaie de leur donner de l'âme, elles n'en veulent pas et vous prennent pour un niais et un idiot. Platon a essayé de donner une idée sublime de l'amour dans ses livres. Sa doctrine, qui est merveilleuse, a servi à composer dans notre langue l'expression fameuse d'amour platonique, qui veut dire pour les Français « amour qui n'existe pas ». Saint François d'Assise en a fondé une autre, celle d'amour séraphique, mais elle ne vaut que dans les cloîtres, parce que dans la vie je ne l'y ai jamais vue. L'amour, c'est le don entier de soi à un être. Mais notre soi n'est pas notre corps, mais notre âme et notre cœur. Et j'ai toujours reconnu que quand les sens et le corps s'en mêlaient, l'âme et le cœur se retiraient et que l'amour lui-même était perdu. Et aimer, c'est aimer d'un amour éternel et non de passade et de passage. Ou alors ce n'est pas la peine d'aimer, et ce n'est pas de l'amour mais de la bestialité. Si quelqu'un m'avait aimé vraiment sur cette terre, d'amour, je n'en serais pas dans la situation où je suis, ayant faim et me trouvant dans un affreux besoin de l'essentiel. Mais il m'aurait apporté tout ce qu'il me faut et qui me manque pour vivre et retrouver mes forces, parce qu'il aurait reconnu que je ne suis pas un inutile, mais que mes capacités sont au service de tous et peuvent le redresser lui-même quand je les retrouverai, et que je mérite de ne pas disparaître sans rien. Ceci est dit pour mes amis. Quant à toi, sois tranquille. Nous nous reverrons bientôt. À toi. La rupture du lien affectif, j'ai eu l'occasion de voir ça, c'est vraiment le signe de la grande démence, enfin, ou de l'isolement total. Artaud n'était pas un isolé. Artaud était un vivant extraordinaire. Il m'a dit aussi qu'il aurait aimé vivre dans la Grèce archaïque, parce que là, on savait danser. On dansait la vie. Ce qui est nietzschéen, au grand sens du mot, et pas du tout, comme on dit, un peu désespéré. Jacques Brenner. Il faut préciser que les jeunes gens donc comme moi autour d'Artaud, nous étions dans une attitude extrêmement respectueuse. Aujourd'hui, on me dit, vous avez été un ami d'Antonin Artaud, mais c'était M. Artaud. Il y avait des distances, auxquelles d'ailleurs il tenait beaucoup. Il faut dire que dans le journal de Prevel, on se rend compte que le fait d'avoir été maltraité dans les asiles faisait également qu'il tenait maintenant à cette distance. Cette appellation de monsieur. Mais cela tenait aussi au sentiment de sa particularité, dirais-je. C'était quelqu'un qui ne se commettait pas, monsieur Artaud. Il gardait d'ailleurs quelque chose du dandy dans ce côté archange foudroyé qu'il avait. Et alors, quand il arrivait, qu'il donne des démonstrations, si je puis dire, qu'il fasse une lecture, par exemple, c'était quelque chose d'impressionnant et quelquefois de terrifiant, parce que s'il n'avait rien dans la main qu'une canne, c'était des coups de canne, mais quand on allait à Ivry, c'était des coups de marteau sur un billot. Et on était là, effectivement, comme une cérémonie sacrée. Et c'était vraiment le haut mal, dirais-je, au sens sacré du mot. On ne peut pas encore une fois s'imaginer, parce qu'il fallait voir ce dandy, mais quel dandy, perdu dans un costume trop grand qui provenait de Pierre Lhomme, je crois. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand vous pensez que vous pouviez déjeuner avec Artaud au Vieux Paris, par exemple, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, Artaud ne serait pas reçu dans un établissement public plus de 30 secondes. Et ce respect que nous avions pour lui, il l'imposait au garçon de café du Flore, ou à la serveuse du Vieux Paris, par exemple. C'est une chose très remarquable, ça. On se ferait, je crois, une image tout à fait fausse de lui si on ne soulignait en même temps combien, justement, les gens de Montparnasse, d'abord, de Saint-Germain-des-Prés, les gens qui l'entouraient, avec lesquels il avait affaire parce qu'il leur donnait ses chaussures à réparer ou son linge à laver. Combien ces gens, au fond, ne le considéraient absolument pas, ni comme ridicule, parce qu'il pouvait, il aurait pu l'être parfois, étant donné si magré qu'il faisait dans la rue, ni comme scandaleux, ni comme dangereux. Ni comme fou. Ni comme fou. J'ai vu ça vraiment constamment. Le patron d'hôtel dont je parlais tout à l'heure, qui avait pourtant beaucoup à souffrir de la présence continuelle d'Antonin Artaud chez nous, puisqu'il plantait son couteau dans ma table par théâtre, par jeu, mais au sens vraiment le plus profond du mot. Ce n'est pas du tout qu'il ait jamais menacé quelqu'un. Mais justement, l'extraordinaire, les gens le savaient. Les gens le sentaient. Je l'ai vu dans le Midi, dans une petite ville du Midi qui, à ce moment-là, n'était pas du tout envahie par le tourisme, Sainte-Maxime, où il n'y avait personne, un petit village encore, et où Antonin Artaud se promenait tout de même avec un couteau ouvert, un couteau à cran d'arrêt, dans les rues. Et il y avait des enfants, il y avait des passants, il y avait des gens qui allaient et venaient, les patrons de l'hôtel, un jeune couple qui, évidemment, n'avait jamais rien lu, mais ils avaient eu l'idée d'aller se renseigner auprès du médecin du pays, qui, lui, était abonné au Cahier du Sud. Et qui leur a dit, non, surtout ne lui dites rien, c'est Antonin Artaud, c'est un très grand poète, alors vous comprenez, il est un peu bizarre, mais c'est un grand poète. Et effectivement, ils ont laissé Antonin Artaud renverser son encrier toutes les nuits sur les murs. C'était une petite chambre toute fraîche, repeinte, très très coquette. Bon, un beau jour tout de même, ces jeunes gens sont venus me trouver et m'ont dit, écoutez, Antonin Artaud est un monsieur si impressionnant, vous comprenez, ils ne nous ont pas lui dire, et puis nous savons, c'est un grand poète, le docteur nous l'a dit. Alors, vous ne voudrez vraiment pas faire d'ennui, mais ça, c'est pas possible. On vient de refaire l'hôtel à neuf et toute sa chambre immaculée d'encre, absolument partout. Les draps sont déchirés. Alors, j'ai écrit à Dubuffet pour obtenir un petit peu d'argent pour dédommager effectivement les patrons de l'hôtel qui avaient été si gentils. Et dans les rues à Paris ou n'importe où, à Montparnasse par exemple, à l'époque où Antonin Artaud avait sa canne, à laquelle personne ne devait toucher. Et un jour, un garçon qui était nouveau ou qui était distrait au dôme déplace la canne d'Antonin Artaud pour mettre le par-dessus de quelqu'un. Et Antonin Artaud se dresse à ce moment-là comme si on l'avait vraiment piqué de mille vipères et commence à lui tenir des propos. Vous voyez, enfin, monsieur, on ne touche pas à ma canne, c'était la canne de Saint-Patrick. Eh bien, les autres garçons de café qui connaissaient très bien Antonin Artaud sont venus et ont dit, oh, mais non, mon vieux, on ne touche pas à la canne de monsieur Artaud. C'est tout. Vous nous parlez bien vraiment d'un autre monde. Et oui, et Antonin Artaud avait, il faut bien dire, tout de même des façons d'être qui auraient pu provoquer de la gêne ou du scandale n'importe où ailleurs qu'à Montparnasse. Par exemple, un jour, on se promenait sur le boulevard Montparnasse, on marchait beaucoup. Antonin Artaud marchait, vous savez, il aurait pu pouvoir marcher pendant des heures. Il marchait si vite que je n'ai jamais vu personne pouvoir le suivre. Même quand il était très malade, même après sa sortie de Rodez, on ne pouvait pas marcher du même pas que lui. Il courait. Et alors, courant comme ça, moi, trottinant derrière, je le vois aborder une dame, une ménagère, pas une dame qui faisait ses courses, enfin elle avait un filet à provisions à la main, et lui dit, madame, vous êtes verte. Et la dame s'est retournée, elle l'a regardée évidemment avec un peu d'étonnement, mais elle a passé son chemin, et puis il n'y a rien eu. Mais un autre jour, par exemple, il me dit, ma chère enfant, j'ai décidé de mendier, parce que d'une part, je n'ai pas d'argent, et d'autre part, il faut que je récupère ce que le monde me doit. C'était l'époque où aussi il refusait de signer ses livres et où il avait décidé qu'il ne faisait plus paraître ses livres que de façon anonyme, ce qui avait incité Paulhan à lui répondre, j'ai vu la lettre, mais mon cher Antonin Artaud, quel sens ça a ? De toute manière, ce que vous écrivez, tout Paris saura le lendemain que c'est de vous, vous ne pouvez pas vous cacher. Alors à l'époque où il voulait se cacher, il voulait aussi mendier. Et un jour, il m'a emmené mendier sur le boulevard Montparnasse, toujours, avec sa canne qu'il avait et avec laquelle il devait toujours toucher les écorces des arbres, ce qui l'obligeait à faire des zigzags sans cesse sur le trottoir. Tout en faisant ces zigzags, il a abordé un monsieur fort bien mis, avec un chapeau, un par-dessus, et lui a dit, monsieur, donnez-moi 5 francs. Le monsieur naturellement recule, voyant ce mendiant qui n'était pas un mendiant et qui tout de même avait l'air comme ça d'une espèce de prophète sorti d'on ne sait où. Il était très beau encore à l'époque. C'était d'une beauté absolument foudroyante. C'était vraiment une apparition qu'on ne pouvait pas ne pas remarquer. Et donc cette espèce d'apparition demande 5 francs. Le monsieur recule, un peu étonné, il dit mais pourquoi ? Déjà, une bizarre question, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ? Et Antonin Artaud lui a dit, monsieur, le monde entier m'a fait beaucoup de mal. Vous, vous faites partie du monde entier. Par conséquent, vous m'avez fait aussi beaucoup de mal. Et je vous demande 5 francs. C'est vraiment peu pour réparer. Et le monsieur, il m'a donné. Eh bien, je me souviens d'une autre image d'Antonin Artaud qui m'a bouleversé. C'était l'hiver qui a suivi son retour de Rodez. Il faisait particulièrement froid. Il faut savoir aussi dans ce monde que nous évoquons qu'il y avait les fermetures du premier jour de la semaine qui étaient à ce moment-là très strictes. Les cafés étaient fermés, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et les pharmacies. Oui. Et je me souviens de ce spectacle-ci. Les deux magots, il n'y avait pas une terrasse couverte comme maintenant. Il y avait des chaises et des tables qui étaient repoussées contre le mur et qui étaient maintenues avec des chaînes. Il faisait glacial. Artaud avait réussi à libérer un bout de table et un tiers de chaise, enfin, il était assis. Les gens faisaient un détour, pas du tout par crainte, mais encore une fois par ce phénomène de respect. Et il gelait à Pierre Fendre. Artaud écrivait avec sa rage habituelle, enfin, déchirant pratiquement le papier, le zébrant, et il transpirait des gouttes énormes dans ce gel, avec ces gens autour qui presque passait sans faire de bruit, pour ne pas le déranger. Pierre Auster. Marie Thomas, vous avez été le témoin de la dernière période de la vie d'Artaud, et vous êtes vous-même né en 1912. Est-ce que vous entendiez parler d'Artaud, soit directement, soit indirectement, en 1936, au moment où il préparait son voyage au Mexique ? En 1936, j'ignorais complètement d'Artaud. Est-ce que vous faisiez partie du Je ne faisais milieu, partie d'aucun milieu. D'aucun milieu. Je faisais partie des services militaires. J'ai lu des choses d'Artaud à partir de 1940, et l'occasion en étant que je rangeais la bibliothèque d'André Gide, où j'ai eu la surprise de trouver des livres avec des dédicaces foudroyantes, d'ailleurs, à M. André Gide à travers le givre de l'air, et à M. André Gide et que la peste l'étouffe, c'était le théâtre de la peste qui était dédié ainsi. Et j'ai lu cela, et j'ai été tout de suite captivé. Et j'ai demandé à Paulhan, mais qui est cet Antonin Artaud ? Il m'a dit, oh, je crois qu'il est mort ou qu'il est dans un asile. Il savait très bien. La preuve, c'est qu'il lui envoyait des paquets. Mais il commençait toujours comme ça, Paulhan. Finalement, j'ai écrit Artaud, et puis je suis allé le voir. Vous aviez l'intention d'écrire un article ? Oui, j'ai écrit quelque chose qui s'appelait Antonin Artaud, le théâtre mort et vivant. Ça a apparu dans l'heure nouvelle du regretté Arthur Adamov. Quel est votre rapport aujourd'hui avec le Artaud qui a précédé celui que vous avez connu ? Comment considérez-vous l'ensemble de son œuvre ? L'œuvre d'Artaud est d'un seul tenant, elle a une unité extraordinaire. Dans les lettres à Jacques Rivière, on trouve déjà presque tout Artaud. C'est-à-dire l'impossibilité de penser, de s'attacher à un point précis. En même temps, une faculté d'expression infaillible. Ce qu'il n'y a pas là, c'est la vision. Par exemple, un livre qui m'avait beaucoup frappé, c'était « L'art et la mort ». Il y a une longue prose sur Paolo Uccello, qui est merveilleuse. Quand tu peignais tes deux amis et toi-même, dans une toile bien appliquée, tu laissas sur la toile comme l'ombre d'un étrange coton, en quoi je discerne tes regrets et ta peine, Paolo Uccello, mal illuminé. Les rides, Paolo Uccello, sont des lacets, mais les cheveux sont des langues. Dans un de tes tableaux, Paolo Uccello, j'ai vu la lumière d'une langue dans l'ombre phosphoreuse des dents. C'est par la langue que tu rejoins l'expression vivante dans les toiles inanimées. Et c'est par là que je vis, Uccello, tout emmailloté dans ta barbe, que tu m'avais à l'avance compris et défini. Bienheureux sois-tu, toi qui as eu la préoccupation rocheuse et terrienne de la profondeur. Tu vécus dans cette idée comme dans un poison animé. Et dans les cercles de cette idée, tu tournes éternellement, et je te pourchasse à tâtons, avec comme fil la lumière de cette langue qui m'appelle du fond d'une bouche miraculée. La préoccupation terrienne et rocheuse de la profondeur, moi qui manque de terre à tous les degrés. Présumais-tu vraiment ma descente dans ce bas monde, avec la bouche ouverte et l'esprit perpétuellement étonné? Présumais-tu ces cris, dans tous les sens du monde et de la langue, comme un fil éperdument dévidé? La longue patience des rides est ce qui te sauva d'une mort prématurée. Car je le sais, tu étais né avec l'esprit aussi creux que moi-même, mais cet esprit, tu pus le fixer sur moins de choses encore que la trace et la naissance d'un fil. Avec la distance d'un poil, tu te balances sur un abîme redoutable et dont tu es cependant à jamais séparé. Mais je bénis aussi Uccello, petit garçon, petit oiseau, petite lumière déchirée. Je bénis ton silence si bien planté. À part ces lignes que tu pousses de la tête comme une frondaison de messages, il ne reste de toi que le silence et le secret de ta robe fermée. Deux ou trois signes dans l'air. Quel est l'homme qui prétend vivre plus que ces trois signes, et auquel, le long des heures qui le couvrent, songerait-on à demander plus que le silence qui les précède ou qui les suit? Je sens toutes les pierres du monde et le phosphore de l'étendue que mon passage entraîne faire leur chemin à travers moi. Ils forment les mots d'une syllabe noire dans les packages de mon cerveau. Toi, Uccello, tu apprends à n'être qu'une ligne et l'étage élevé d'un secret. Et puis le Pesner, qui est plus visionnaire, évidemment. Les lettres à Jacques Rivière sont volontairement dépouillées. Elles sont écrites vraiment dans une prose presque voltairienne. Et ce qui est très extraordinaire, justement, dès les lettres à Jacques Rivière, c'est la lucidité d'Artaud par rapport à sa propre création. Oui, Artaud était extraordinairement lucide jusqu'à la fin. On le voit dans des petits fragments qu'on a retrouvés dans sa chambre après sa mort. Artaud était lucide et il travaillait sa propre lucidité pour en tirer une espèce d'aveuglement volontaire. D'abord parce qu'il lui fallait échapper à sa souffrance physique. Vous savez, il y a un vers d'un poète que j'aime bien, « Les plus grandes douleurs sont celles qui font mal ». Eh bien, Artaud avait véritablement de très grandes douleurs physiques. Il faisait face à ces douleurs et, chose inouïe, il cherchait à les approprier, à les conjurer en les faisant siennes, en leur donnant une présence démoniaque, de sorte qu'il pouvait converser avec sa douleur. Et il s'est décidé à mourir, je crois, quand la conversation est devenue intenable. Mais il n'est pas mort dans le silence, sur un dernier cri. Qui a passé par l'électrochoc du bardeau, et le bardeau de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres, et la vie a baissé d'un cran. J'y ai connu ces molécules souffle après souffle, du râle des authentiques agonisants. Je suis présent, je vis, je travaille, mais je ne vivrai plus comme avant. Perte d'un ton de l'euphorie de vivre, connut un jour à se sentir vivant. De plus, l'électrochoc, comme le bardeau carré des larves, il fait de tous les états pulvérisés du passant, de tous les faits de son passé, des larves inutilisables pour le présent et qui ne cessent d'assiéger le présent. Or, je le répète, le bardeau, c'est la mort. Et la mort n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi, artificiellement, la mort, comme la médecine présente l'entreprend, c'est favoriser un reflux du néon qui n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps, en fait, depuis un certain point du temps. Lequel ? Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants ? C'est de nouveau la voix d'Antonin Artaud que nous venons d'entendre, lisant un extrait d'Aliénation et magie noire, document d'archives conservé par les services phonographiques de Radio France. Maintenant, Evelyne Schlumberger, Christian Giudicelli, je crois qu'il faut tirer un trait provisoire sur l'esquisse que nous avons tenté de faire de l'homme tel qu'il a pu apparaître aux yeux de ses familiers dans les dernières années de sa vie. Essayons d'approcher l'œuvre, non pas pour l'analyser, mais pour en faire une description. Et là, je me tourne vers Paul Thévenin. Paul Thévenin, autre témoin privilégié qui peut seul, à mon avis, nous donner les points de repère indispensables dans cette recherche. Je sais du reste, Paul Thévenin, que vous n'aimez pas cette dénomination de témoin privilégié et que même vous la récusez. Il n'y a pas de témoin privilégié. Je l'ai dit mille fois, les témoins sont toujours de faux témoins et quand on vérifie un témoignage par rapport aux textes et aux traces écrites de l'époque, on trouve toujours une erreur dans le témoignage, presque toujours, presque toujours. Si vous me dites que je suis privilégiée, c'est parce que depuis très longtemps, je n'ai cessé de me préoccuper de l'œuvre d'Artaud, presque seulement de l'œuvre d'Artaud, je n'ai presque lu que ça, depuis que j'ai connu Artaud. Et le texte d'Artaud pose des questions telles qu'il me semble qu'on devrait parler de son texte plus que de sa personne. Donc, qu'il n'y a pas à être témoin de telle ou telle période de sa vie. Ça a, somme toute, peu d'importance actuellement. Quelle est la raison, à votre avis, qui fait que, finalement, on ne parle presque jamais du texte d'Artaud, mais qu'on parle presque constamment, en revanche, de l'homme où tout le monde a sa petite histoire à raconter sur tel ou tel de ses faits, ou sur tel et tel de ses actions. D'une part, il y en a tout de même qui ont parlé du texte d'Artaud. Blanchot, pour les premiers textes, celui pour les lettres à Jacques Rivière. Avec Rivière. Derrida a tout de même fait un travail assez remarquable, qui se trouve dans L'écriture et la différence, sur les textes d'Artaud. À une certaine époque, le groupe de tel quel aussi a fait un travail d'approche. Bon, ils ont depuis fait déraper un peu ce travail d'une certaine façon, puisqu'ils ont voulu assimiler le concept de révolution culturelle avec le texte Artaud et celui de Bataille. Du reste, ce couplage Artaud-Bataille qu'on a fait aussi systématiquement et assez journalistiquement n'a pas beaucoup de sens. Bon. Oui. Mais si on ne parle pas beaucoup du texte d'Artaud, c'est parce que le texte d'Artaud pose de telles questions qu'il est plus facile de parler de l'image superficielle que peut donner Artaud. Par exemple, il y a le problème même essentiel qui est l'internement. Alors disons que c'est plus simple de vous montrer le poète maudit, fou, sorti de Rodez, traînant aux terrasses du Flore des Deux Magots ou dans les fonds du Bar Vert, que de regarder de près l'histoire qui se joue dans les tomes, par exemple, 10 et 11, et déjà avec les lettres à Parisot qui se trouvent décalées dans le tome 9. Il n'y a rien d'autre qui lui soit comparable, à mon avis. Vous pouvez justement nous dire, selon vous, quelle est cette vraie histoire ? Je ne peux pas vous le dire comme ça, parce qu'il faudrait travailler encore beaucoup pour la tirer au clair. À vrai dire, je dis qu'elle pose des questions essentielles. Si je dis qu'il n'y a rien de comparable, c'est que je pense, par exemple, on fait souvent la liste des poètes fous, Hölderlin, Artaud, Van Gogh, Nietzsche. C'est facile d'aligner des noms comme ça. Bon, mais prenez le cas d'Hölderlin. Il y a les poèmes de la folie, Lerline. Nous savons tous cela. La notion de folie est aussi quelque chose qui est à revoir, et probablement à partir des textes d'Artaud. Mais à partir du moment où Hölderlin a basculé, il a basculé, mais il n'est pas revenu d'un autre côté. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'histoire d'Artaud, c'est que même si on admet qu'il a basculé quand il était à Villevrard, eh bien, il est revenu d'un autre côté. Et il a été son propre témoin. C'est lui-même qui a dessiné cette espèce d'aller-retour. C'est parce que je ne crois absolument pas à la thèse qui veut dire qu'on l'a guéri par les électrochocs. Ça, c'est faux. Il y a une espèce de domination, enfin, de maîtrise de sa propre faille. Je ne vois pas d'autre exemple. Enfin, si vous pouvez me dire qu'il y a un autre exemple avant ça. Mais il y a aussi dans ce deux tomes, oui, les deux images peut-être les plus contradictoires d'Artaud, finalement, les plus opposées. C'est-à-dire l'aspect, disons, de crise religieuse, je ne sais pas comment la définir, qu'il traverse à un moment, et l'inverse exact. Oui, vous avez raison, mais vous trouvez ça souvent, c'est l'histoire du double. Il y a un roman de Stevenson qu'Artaud aimait beaucoup, au point qu'il a voulu en faire un film, qui est Le Maître de Ballantrae. Oui. Et vous trouverez ces deux images d'un même homme dans le roman de Stevenson d'une façon très symbolique, mais elles y sont. Mais dans ces deux volumes, il y a cette conversion, mais celui qui s'était converti, Artaud l'a tué une première fois à Villevrard, il donne la date au mois d'août 1939. Et c'est toujours en même temps lié à la vie générale. Il fait intervenir les hommes politiques. Dans les lettres de Villevrard que j'ai pu lire, on voit ça, Delis, Thériault, Anthony Eden, tous interviennent. Bon, il y a un certain Louis-Louis Dreyfus, dont on sait qui il était, qui intervient aussi, ainsi que Griot de Givry, dont Artaud prétend qu'il a assisté à sa mort à Villevrard, qu'il était là autour de lui, comme si une espèce de franc-maçonnerie générale était autour de Villevrard pour tuer Antonin Artaud, dont le corps, il le raconte, est sorti un jour de Villevrard. Et à la place est venu cet Antonin Alpas, oui, qui a le nom de jeune fille de sa mère, un religieux, qui va à la messe, communie, écrit à son père, est soumis à l'autorité du médecin, est soumis à l'électrochoc que le médecin lui fait subir. Et ce n'est que lorsque, à son tour, cet Antonin Alpas disparaît, qu'il y a cette espèce de nouvelle naissance d'Artaud et de son texte. C'est une histoire qui me paraît absolument fantastique. Je ne peux pas vous en donner les raisons. Je pense que ça pose de telles questions qu'elles ne sont pas prêtes d'être résolues. Est-ce que lui-même ne les a pas un tout petit peu éclairées dans la fameuse lettre à Peter Watson ? Je pense que oui, vous avez raison, mais il n'a pas cessé de les éclairer. Mais est-ce que nous sommes en mesure de comprendre encore la manière dont il les éclaire ? Je ne sais pas, il y a des choses qui sont encore très insolites. Et insolubles. Paris, 27 juillet 1946. À Peter Watson. Je ne me souviens pas d'être né à Marseille dans la nuit du 3 au 4 septembre 1896, comme le porte mon état civil. Mais je me souviens d'y avoir débattu une question grave, dans un endroit qui n'en était pas un, situé quelque part entre l'espace et un monde sinistre, fortuit, inévitable, grotesque, épouvantablement inexistant. L'espace menait sur une échelle de vie où je ne voyais pas d'interruption à mon être. Le monde sinistre, épouvantable, grotesque, était celui de cette vie-ci. La question que je débattais était de savoir si j'irais à un charnier blanc, si, fatigué depuis toujours d'exister, je me livrerais à ce centre blanc qui, ou si je demeurerais fidèle à cette eau noire, à ce couvercle aqueux d'une caisse d'eau noire qui me retenait obstinément. Cela sentait la merde sur mon cœur, cette caisse avec mon tronc dedans, mais c'était mon moi, l'excrément. La mort n'est pas qu'un état de passage. Elle est un état qui n'a jamais existé. Car s'il est difficile de vivre, il devient de plus en plus impossible et inefficace de mourir. À bien considérer cette vie-ci, je me souviens d'y être mort au moins 3 fois réellement et corporellement. Une fois à Marseille, une fois à Lyon, une fois au Mexique et une fois à l'asile de Rodez, dans les transes d'un électrochoc. Chaque fois, je me suis vu avoir quitté mon corps et avoir voyagé dans les espaces, mais pas très loin de mon propre corps, car on ne se détache jamais très bien. Et en réalité, on ne quitte pas son corps. Le corps est un tronc dont on n'est qu'une feuille quand on se rend compte qu'on est mort et qu'on n'est pas dehors mais dedans. Car le mort n'a plus qu'une idée, c'est de revenir à son cadavre, de le reprendre pour aller de l'avant. Mais c'est toujours lui qui vous reprend. Et on obéit parce qu'on est dedans. Et puis, le mort est un être qui ment. Il faut encore souffrir, ce n'est pas le moment, dit la voix de la conscience, qui rêve. Et ceux qui parlent, sont-ils morts ou vivants? On ne saurait plus le reconnaître. Mort, j'ai été pris par la tornade des êtres tous frottés de haine et d'aimant. Cette haine me fit venir une idée que je sentis tourner dans mes oreilles absentes et qui ramenait ma main à mon flanc. Cette idée était que chaque être m'avait fait perdre un événement et que la mort n'était qu'une histoire que j'aurais dû vivre vivant. Mort, on meurt du mauvais côté. Ce n'est pas la voie qu'il faut prendre. Seulement moi, vivant, je ne crois plus à la voie. Et je ne crois pas que les morts y croient et qu'ils aient non plus à en débattre. On n'est pas mort, vraiment mort, quand on suppute ça ou ça. Et cela, cher monsieur Peter Watson, vous intéresse-t-il de savoir comment on est quand on ne suppute pas, vraiment pas, et ce qui se passe autrement que là, et si on est ou si on n'est pas là? Je ne crois pas que ça vous intéresse. Et quant à ce qui me concerne, moi, voilà longtemps que ça a cessé de m'intéresser. Assez avec les questions et avec les problèmes, avec la vie et la pensée, avec la mort et les trépassés. Et ça rime. Non, ne voyez-vous pas que ça rime? Ah, cette vie qui ne veut jamais s'en aller. Mais attendez donc pour penser d'avoir au moins quelque chose à dire, monsieur Artaud. Non. Moi, Antonin Artaud. Eh bien non, eh bien justement non. Moi, Antonin Artaud. Je veux n'écrire que quand je n'ai plus rien à penser. Comme quelqu'un qui mangerait son ventre. Les vents de son ventre, par dedans. Mais c'est pourquoi Henri Thomas, il me semble qu'il est impossible de ranger Artaud dans une histoire littéraire. Je veux dire qu'on ne peut pas considérer une œuvre simplement du point de vue littéraire, le mettre dans un chapitre comme on mettrait les autres auteurs dans le chapitre d'un livre. Oui, il serait possible de le faire en considérant uniquement le langage. Le langage, oui. La composition des œuvres d'Artaud. Artaud composait. Artaud avait même été formé par une immense lecture, par une immense méditation sur le mot. Il était très lié avec Jean Paulhan et il suivait très bien cette sorte de réflexion sur le langage. Oui, mais on a l'impression quand même qu'il n'a jamais douté de la littérature, je veux dire, du pouvoir de ses mots pour exprimer finalement soi-même. Les mots étaient devenus quelque chose de tellement vivant pour lui qu'il ne pouvait pas en douter. Il se battait avec. Mais il avait une exigence qui était quand même littéraire. Ce n'est pas péjoratif de dire littéraire. Dans ses lettres à Jacques Prevel, il n'est jamais content des poèmes de Prevel. Il dit qu'il faut resserrer. Ce n'est pas assez intense. Il parle comme un maître. Oui, exactement. Et c'était un juge impitoyable des manuscrits qu'on lui donnait. Il les jetait. Jamais il n'a approuvé quelque chose de médiocre. Il s'était laissé prendre à quelques collaborations qu'il vomissait plus tard, mais jamais il ne s'est trompé. Il a collaboré avec Henri Pichette, par exemple. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Le fait est que ça s'est gâté assez rapidement, oui. Je crois me rappeler un passage où il exprime une sorte de refus a posteriori de mais cette même, collaboration. Même pour des choses qu'il avait beaucoup aimées, comme Victor ou les enfants au pouvoir, il trouvait que ce n'était plus ça. Évidemment, de ce point de vue, Artaud entre dans la littérature. Mais Artaud mettait la littérature au si on peut dire, oui, au service comme un esclave, comme quelqu'un qu'on fouette, qu'on fait turbiner à mort, au service du salut personnel. Un étrange salut, d'ailleurs, qui passait à travers le néant, qui apprivoisait le néant. Mais, évidemment, Artaud dépassait la littérature comme le dernier Tolstoï. Mais il y a quand même une évolution dans son œuvre, me semble-t-il, parce que si l'on prend des textes comme Héliogabale ou les Tarahumara, ce sont des textes très écrits, presque au sens même du discours. C'est une admirable langue. Et puis, soudain, vers la fin, et je pense notamment au dernier poème, ça aboutit finalement à des sortes de haïkai, à des mots l'un après l'autre très mesurés, très choisis, et qui ont l'air de rompre avec cette veine quand même très lyrique qu'il a animée tout au long de sa vie. Oui, à la fin, Artaud oscillait entre deux pôles complètement hostiles. Ce que vous appelez le haïkai, Artaud l'appelait l'aphorisme. Il a écrit de véritables aphorismes, aussi bien, aussi net, aussi fort que du chant fort, ou tel l'homme du XVIIIe siècle. Ce matin, moi qui ai tout inventé, j'ai pour la première fois compris la différence entre une sensation et un sentiment. Dans la sensation, on prend ce qui vient. Dans le sentiment, on intervient. Et puis d'autre part, entre d'autres haïkai imaginaires, alors cela, vous savez, ces syllabes, il les chantait, il les psalmodiait, il les hurlait, il les rythmait surtout. Et ce qui est très net dans cette dernière variété, c'est le rôle des syllabes inversées. Enfin, il introduit une sorte de cadence dans des petits textes où le sens est dans le rythme. Alors là, je crois que c'était des conjurations. Il se mettait à les déclamer au milieu d'une grande souffrance. Pierre Auster. Mais il semble, Henri Thomas, que vous ayez une difficulté à nous parler de l'écrivain Antonin Artaud d'avant la guerre. Comment lisez-vous aujourd'hui les textes que Artaud a écrits avant que vous ne le rencontriez ? Parce qu'il y a un Artaud extrêmement organisé qui prépare son voyage et qui là-bas écrit des articles qui lui rapportent de l'argent. Ces articles, on les lit avec beaucoup d'étonnement parce que c'est un homme, en quelque sorte, adapté à l'image. Je dis bien adapté à l'image qu'il se fait de lui-même. Mais enfin, c'est cohérent. Il y a un Artaud qui existe, qui voyage, voyager étant une entreprise difficile, et qui obtient même la complicité des autorités. Il a un papier de l'Alliance française, il a su prendre un bateau à Hambourg, si je ne me trompe, aujourd'hui. Mais et personne ne veut nous parler, à nous qui n'avons pas connu du tout Artaud, personne ne veut nous parler de ce personnage, beaucoup moins proche de la démence que celui que vous avez connu, fréquenté et aimé. Oui. Comment lisez-vous les textes les plus anciens ? Je ne les lis pas sans penser à Artaud tel que je l'ai connu, car il en parlait de ces textes-là, et il les désavouait. Ah, il les désavouait. Cela n'est pas dit dans l'édition. Le mot désavouer n'est pas... Il désavouait les messages révolutionnaires qu'il adressait à Mexico. Cela, pas, mais il désavouait... Aux Mexicains. Il négligeait tout ce qu'il avait écrit, tout simplement, pour de l'argent. Par exemple, Héliogabale, dont vous parliez, il ne pas l'entendre parler, il disait « c'est une commande ». De même sa traduction du moine de Lewis. Et des articles aussi. Il avait le plus grand, je n'offense personne, le plus grand mépris pour le journalisme. Mais alors c'était les fabrications. Oui. Et rien de ce qu'il dit dans ces textes-là ne doit être aujourd'hui considéré comme important. C'est de l'Artaud très, très édulcoré, un petit peu comme les chroniques de Fargue par rapport à ses poèmes. Quand on le lit maintenant, c'est peut-être d'ailleurs de là que vient le malentendu. Il me semble qu'il apparaît à un lecteur qui n'a pas connu cette époque comme quelqu'un de profondément solitaire, dont le chemin est vraiment celui de la solitude. Il n'écrivait pas pour s'isoler, il écrivait pour entrer en communication avec des vivants, ou des gens qu'il supposait vivants, parce qu'Artaud se maintenait dans un monde où les gens ne mouraient pas, mais disparaissaient, étaient dérobés, étaient victimes de substitution. Il disait, j'ai rencontré André Breton, ce n'est pas lui, on en a mis un autre. Et c'était profondément vrai. De sorte qu'il communiquait autant avec des morts qu'avec des vivants. Ses filles, celles qu'il appelait ses filles, Neneka, des filles du feu, disons. Mais je crois que l'amour des autres, ce besoin de communication, n'est pas forcément contradictoire avec l'état de solitude. Marthe Robert. Sa solitude, elle était inimaginable. certainement à cause de la souffrance qu'il n'a jamais quittée, je crois, depuis sa plus petite enfance. Ce que cet homme souffrait, je crois qu'on pouvait en toute petite partie l'imaginer quand on vivait un petit peu près de lui, à certains moments où vraiment on sentait que son corps se défaisait à force de sensations intolérables. Il souffrait, je crois, de tous côtés, vraiment. Donc, à cet égard, sa solitude était totale. Et aussi parce que Antonin Artaud n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait partager des idées. Ce que disait Jacques Brenner tout à l'heure est parfaitement vrai. On ne partageait rien avec Antonin Artaud. On le recevait. Et parfois même, on subissait un ascendant que, même si on n'est pas porté spécialement à la mystique et au mysticisme, ce qui est mon cas, il y avait effectivement quelque chose d'assez inquiétant. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne, Pierre Auster, à la description de l'œuvre, évidemment, avec l'aide de Paul Thévenin. Est-ce que nous pourrions maintenant montrer, en quelque sorte, comment se présente l'édition elle-même, puisqu'il s'agit d'une édition critique, dans le sens étroit du terme. Il n'y a pas de commentaires, il y a des articles, il y a des articles de journaux ayant trait à certaines lettres, il y a d'autres lettres que celles d'Artaud lui-même, il y a des renseignements de toute nature, et en quelque sorte c'est toute une époque qui revit quand même, grâce au travail qui a été fourni aux éditions Gallimard. Je suppose que l'édition a été conçue de la façon suivante. Elle est partie de ce point de vue que la biographie, au sens étroit et conventionnel où on l'entend habituellement, n'apporte rien dans le cas précis d'Artaud, car sa biographie elle-même, il la donne. Ce qu'il veut donner de sa biographie est donné depuis la correspondance à Rivière, ce qui en est l'essentiel, c'est-à-dire la vie ou la non-vie, l'impossibilité à vivre de la pensée. Et dans toute son œuvre, il donne sa biographie, même quand il s'agit du théâtre et son double. C'est sa vie dans le théâtre. Donc cette édition est partie de ce point de vue-là que la biographie au sens étroit, au sens habituel, n'apporte rien. Mais qu'il est nécessaire de donner les renseignements ponctuels qui interviennent dans tel ou tel point de l'écriture d'Artaud et qui permettent d'éclairer tel ou tel point qui, sans cela, pourrait demeurer obscur. D'où les articles de journaux, quand ces articles de journaux sont nécessaires pour donner le climat, parce que il est sûr que le texte d'Artaud est dans son époque, pose des problèmes sociaux, des questions politique, et que cela ne se sent que lorsque le contexte est donné, c'est-à-dire quelle était l'attitude de la presse, quelle était la manière dont on voyait Artaud à une certaine époque, quels étaient les correspondants qu'il avait en face de lui. Quels étaient les gens qui prenaient sa défense, ou ceux qui l'attaquaient. Ceux qui l'attaquaient. En effet. D'autre part, il est visible qu'il y a dans chaque volume un certain nombre de textes que les gens appellent d'habitude majeurs. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi dans l'œuvre d'Artaud, il n'y a ni texte majeur ni texte mineur, mais disons des textes qu'il avait pu rassembler de son vivant en volume. Ils constituent le nœud de chaque volume. Ils sont présentés sous cette forme. À cela ont été ajoutés les textes qu'il a publiés en revue à la même époque, qui concernent un peu les mêmes sujets. Chaque fois qu'il a été possible, les lettres retrouvées d'Artaud qui correspondaient aux textes, disons, centraux, ont été ajoutés. Alors, évidemment, ça a donné une espèce de chevauchement de la correspondance, puisque ce qu'on appelle les obligations de calibrage ont fait que, bon, on ne pouvait pas donner des volumes trop gros. Je trouve que là, on atteint un point très important dans cette publication. C'est-à-dire qu'à côté des textes célèbres, des textes, finalement, que nous connaissions tous réputé autour de cette majeur, table. Comme disait, Il y a toutes ces lettres qui sont finalement la révélation de cette édition. Ces lettres sont parmi les choses les plus prodigieuses qu'a écrites Artaud. Or, on a l'impression que, quand il écrit ces lettres, effectivement, il fait son œuvre, comme finalement dans tout ce qu'il écrit. Mais pensez-vous que lui-même en était très conscient de ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'il pensait qu'un jour ces lettres verraient le jour d'une manière imprimée? Quand Parizeau lui a proposé de publier les quelques lettres qu'il lui avait écrites de Rodez, il a lui-même tout de suite accepté. Et il y a plusieurs lettres à Apollon dont il dit « Cette lettre aurait été publiée autrefois par André Breton dans la Révolution surréaliste. Publiez-la, s'il vous plaît. » En effet, dans la Révolution surréaliste, vous trouvez la nouvelle lettre sur moi-même, vous trouvez la lettre à personne dans les cahiers du Sud. La forme lettre a toujours été privilégiée, dont, à vrai dire, le destinataire importe relativement peu. Assez peu. Il y a quelques cas, Génica Athanasiou, par exemple, était Génica Athanasiou, d'une certaine façon, la personne et ses rapports avec Artaud interviennent plus que lorsqu'il s'agit... De Peter Watson. Oui, de Peter Watson, qu'il ne connaissait pas, ou à peine. Alors c'est vraiment la littérature anti-intellectuelle, c'est la littérature malgré elle, presque. Vous pourriez presque dire que l'œuvre d'Artaud, c'est l'anti-œuvre. C'est une autre des questions que pose cette œuvre. Et ça n'est pas prêt non plus d'être commenté de façon... Satisfaisante. Non, à mon avis, satisfaisante, non, parce que, je vous dis, les questions sont absolument infinies. C'est le contraire d'une œuvre. Et en même temps, c'est tout de même une œuvre. Paul Thévenin, il y a, je crois, encore des textes qui ne sont pas publiés d'Antonin Artaud, et notamment Suppôts et Suppliciations. Suppôts et Suppliciations... Et le dernier texte composé par Artaud lui-même, de son vivant. Il l'a d'abord écrit, puis, selon son habitude, il en a dicté les principaux éléments qui devaient le constituer. D'une part, à une jeune femme que lui avait envoyée l'éditeur éventuel de l'époque, qui était Louis Broder. Cette jeune femme venait les matins à Ivry et de son lit, Artaud lui dictait les textes de Suppôts et Suppliciations. Et d'autre part, quand ce travail a été fini, Broder a renoncé à publier ce texte pour des raisons religieuses, je crois. K a pris la relève. Certains textes ont alors été ajoutés qu'Artaud m'a dicté à moi personnellement et que j'ai remis aux éditions K. Donc, c'est le dernier ensemble de textes composés par Artaud lui-même, mais il y a une quantité d'autres textes. Du reste, il suffit de consulter les revues pour voir qu'il y en a une quantité d'autres écrits par Artaud en même temps et après Suppôts et Suppliciations. Paul Thévenin, vous refusez la qualification de témoin privilégié. Vous avez tout de même été témoin d'un événement. C'est l'enregistrement à la radio un texte d'Artaud par Artaud lui-même pour en finir avec le jugement de Dieu. Alors j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu. Ça se passait de manière assez simple, vous savez. L'idée était venue de Fernand Pouet. Il pensait qu'il pouvait donner un micro à Artaud et que ça se passerait très bien, qu'il pourrait dire ce qu'il voudrait. Bon, l'expérience et la suite des événements a montré qu'il s'est trompé. Mais Artaud a tout de suite accepté, parce que quand il est revenu de Rodez, il a toujours voulu avoir le plus grand public possible. Les petites plaquettes tirées à 50 exemplaires, ça ne l'intéressait pas. Il aurait accepté au fond fort bien d'être publié dans... Est-ce que François existait, oui, à l'époque, oui. Il aurait trouvé ça tout à fait normal. Le canal lui importait peu pourvu qu'il y ait le plus grand nombre de lecteurs possible. Il considérait donc que son histoire, d'une part, appartenait à tous et pouvait enseigner quelque chose à tous. Il n'avait du reste pas tort, à mon sens. Donc il a tout de suite accepté de faire cette émission, parce que cette émission correspondait à un grand nombre d'auditeurs. Ce qui lui a paru évidemment le plus important, c'est de lire des textes où il disait ce qu'il avait à dire. C'est une expression qui revenait souvent chez lui. J'ai beaucoup à dire. Ici, on attend tout naturellement l'écoute de cette émission d'Antonin Artaud, enregistrée par lui-même à la radiodiffusion française, pour en finir avec le jugement de Dieu. Mais, nous le répétons, selon les accords signés avec les héritiers du poète, il nous est interdit d'en diffuser des extraits. C'est Jean-Luc Moreau qui nous lira les premières pages de ce texte. J'ai appris hier, il faut croire que je retarde ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit, l'un de ces sales ragots comme il s'en colporte entre évier et latrine à l'heure de la mise au baquet des repas une fois de plus ingurgités. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminale ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite avoir lieu. Car de plus en plus, les Américains trouvent qu'il manque de bras et d'enfants. C'est-à-dire non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent, à toute force et par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats, en vue de toutes les guerres planétaires qui pourraient ultérieurement avoir lieu, et qui seraient destinées à démontrer, par les vertus écrasantes de la force, la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire. Il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver, à l'inertie humaine, un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que des champs d'activité nouvelles soient créés, où ce sera le règne, enfin, de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques, où la belle nature vraie n'a que faire, et doit céder une fois pour toutes et honteusement la place à tous les triomphaux produits de remplacement, où le sperme de toutes les usines de fécondation artificielle fera merveille pour produire des armées et des cuirassés. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutiques ou non, et par conséquent plus d'aliments. Mais des produits de synthèse à satiété, dans des vapeurs, dans des humeurs spéciales de l'atmosphère, sur des axes particuliers des atmosphères tirés de force et par synthèse ou résistance d'une nature qui, de la guerre, n'a jamais connu que la peur. Et vive la guerre, n'est-ce pas ? Ce sont les premières pages de « Pour en finir avec le jugement de Dieu » que nous venons d'entendre. Alors, à défaut de la voix d'Artaud que nous ne pouvons écouter aujourd'hui, Paul Thévenin, vous qui avez participé à cet enregistrement, j'aimerais que vous nous disiez comment cela s'est déroulé. Une grande partie du travail a été de dicter à la secrétaire de Pouet, j'étais présente, un grand nombre de textes, tous, malheureusement, n'ont pas pu être utilisés. Après quoi, il y a eu 3 ou 4 séances d'enregistrement, une fois les textes choisis, une fois les interprètes choisis. Dont vous ? Dont moi. J'étais très maladroite, mais ça, c'est autre chose. Enfin, Artaud m'avait fait travailler. Colette Thomas devait y participer au dernier moment. Elle n'a pas voulu. Maria Cazares l'a remplacée. Elle avait très très peur et Blin l'a fait travailler un petit peu avant, je crois, mais ça s'est passé extrêmement simplement. Artaud a demandé un certain nombre d'instruments de musique, des gongs, des xylophones, des tambours, des grosses caisses, et il a lui-même, de manière empirique peut-être, composé, si vous voulez, la musique et le bruitage. Il a enregistré avec Blin un certain nombre de parties en glossolalie, employant ce terme puisque c'est Jacobson qui l'emploie. Ce sont des syllabes qui ne correspondent pas à des mots connus. Et il appelait ça la cage aux singes. Plus un cri extrêmement, là il l'a fait lui-même, extrêmement prolongé. Il a voulu avoir une caisse de résonance et ça a été fait dans l'escalier de la rue François 1er, oui. Et du reste, c'est toujours alors un phénomène assez surprenant, parce que quand on voyait le personnage d'Artaud tel qu'il était après 9 ans d'asile d'aliéné, une maigreur absolument hallucinante, il n'avait plus de dents, on ne pouvait pas imaginer que ce corps avait une pareille force et pouvait être capable de pousser de manière délibérée et tout à fait consciente et dirigée des cris pareils. Cette œuvre, qui n'en est pas une au sens traditionnel du terme, comme Paul Thévenin, vous venez de nous le dire. Eh bien, cette œuvre, comment la recevoir aujourd'hui? C'est ici que peut reprendre notre discussion et que nous rejoignons l'état de gêne dont vous, Marthe Robert, vous nous parliez au début de notre émission. Un état de gêne éprouvé également par vous tous, Hubert Juin, Jacques Brenner ou Bernard Noël. Au fond, Pierre Auster, je crois que c'est une gêne engendrée par le respect. Eh bien, ce que le respect qui entourait Antonin Artaud à cette époque-là, on ne le retrouve pas aujourd'hui dans le respect qui nous anime à son endroit. Les braves gens de l'époque, ma foi, ont été suivis par d'autres braves gens que nous sommes. C'est-à-dire, nous n'avons pas du tout l'intention de suspecter chez Antonin Artaud le moindre élément de comédie. Oui. Nous sommes des adeptes. Des adeptes. Voilà, justement. Peut-être que les choses ont tout de même un petit peu changé. Car cette littérature dont nous parlons, ce monde vraiment très fermé, si fermé qu'à l'époque, je n'ai jamais pensé pour ma part qu'il pourrait avoir une communication quelconque avec une postérité quelconque 25 ans après. C'était tout simplement inconcevable. Ce monde fermé, c'est maintenant de l'histoire. Et Antonin Artaud aussi est de l'histoire, si vous voulez. Mais d'une manière assez particulière. Voyez-vous, quand il est revenu de Rodez, il est vrai que nous l'entourions d'une espèce de respect, de vénération sacrée. C'est vrai, il y avait dans son apparition même quelque chose qui le commandait et qui nous ôtait, il faut bien dire aussi, presque tout sens critique. Je me souviens qu'un jour, quand Antonin Artaud m'a lu pour la première fois Artaud, le moment qu'il venait d'écrire, peut-être à moitié chez moi, à moitié chez d'autres amis, il allait un peu partout dans le quartier, on habitait tous le quartier. Quand il m'a lu Artaud le Momo, que voulez-vous dire sur Artaud le Momo? Et Antonin Artaud m'a dit, eh bien mon enfant, qu'est-ce que vous en pensez? Et je lui ai dit, Antonin Artaud, rien. C'est comme si j'avais reçu un coup de marteau sur la tête. Je n'en pensais rien, vous comprenez? Il n'était pas question d'avoir un jugement critique au sens ordinaire du mot, même pour des gens assez portés à la critique, comme je le suis en général. Mais ce n'était pas comme ça qu'on pouvait recevoir un poème d'Artaud. Or, ça, tout de même, je crois qu'il est bon de dire que nous n'en sommes plus là. Maintenant, toute la vénération qu'on porte à cette extraordinaire figure qui a été à la fois si proche de nous et si lointaine, finalement, parce que on n'approchait pas Antonin Artaud. On ne l'approchait pas. Et d'ailleurs, il ne le souhaitait pas. De temps en temps, Antonin Artaud, avec une malice, dont on ne savait pas si elle était méchante ou simplement malicieuse, vous demandez tout d'un coup, ce petit bonhomme qui était cette nuit dans la cheminée et qui se frottait le ventre en me regardant, eh bien vous, mon enfant, est-ce que vous l'auriez vu cette nuit? Bon, eh bien, c'était vraiment le comble de la malice. Car il savait très bien, celui qui à ce moment-là se serait avisé de répondre, mais certainement, je crois, ou pourquoi pas, il existe sûrement. Enfin, ça aurait été très mal reçu. À ce moment-là, on ne pouvait que lui dire la vérité. Moi, je lui ai dit, je ne crois pas que j'aurais vu le petit bonhomme qui se frottait le ventre dans la cheminée, parce que je ne crois pas avoir les mêmes dispositions que vous. Et je crois qu'en revanche, vous le voyez. Donc maintenant, tout de même, si vous voulez qu'on n'est plus sous le coup de la fascination immédiate du personnage, de toute cette... oui. Et du personnage et de son œuvre, oui, parce que oui. N'oublions pas qu'il l'a créé à mesure, sous nos yeux, dans une conversation. C'est ça le plus extraordinaire. Peut-être Antonin Artaud ne changeait pas de manière d'être et de manière d'écrire selon les conditions dans lesquelles il était. Il écrivait comme il parlait comme il écrivait, il jouait comme il vivait, et il vivait constamment son théâtre. On ne pouvait rien distinguer là-dedans. Il avait basculé d'un seul coup dans le poème d'Artaud, c'est-à-dire quand il ne l'écrivait pas, il le parlait, quand il ne le parlait pas, il le mimait. Où il le dansait. Absolument, il n'y avait jamais de pause. C'était une création continue, sans pause, qu'on ne peut même pas appeler création, parce que ça ne correspond à rien à ce que nous envisageons comme étant le processus créateur. Oui, mais il travaillait en même temps, puisque l'édition nous donne justement les multiples variantes de textes comme... Oui, mais attention, il y a des origines de variantes. Je me souviens avoir assisté à une origine de variante qui était par exemple celle-ci. Je crois que c'était Georges Lambrix, enfin, auquel il avait donné un poème, et ce poème était strictement indéchiffrable. Alors nous étions ensemble au Flore pour lui faire déchiffrer son poème. C'est-à-dire nous avions du papier, puis il lisait son poème, mais à un moment donné, parce qu'il a vu passer une femme enceinte, je crois, sur le trottoir ou quelque chose comme ça, il a dévié du poème original et il a dicté... Autre chose. Voilà. Autre chose. Ce qui faisait, deux poèmes. Mais si vous regardez de très près les variantes, vous vous apercevrez également qu'il y a un travail proprement littéraire. D'ailleurs, il dit lui-même à Prevel qu'il lui avait fallu réécrire 30 fois. L'introduction au théâtre de la cruauté. L'introduction au théâtre de la cruauté. 30 fois, c'est un, un maximum. Mais ça, c'est un beau chiffre. Certain qu'Antonin Artaud travaillait ses textes. Donc, il avait peut-être une double manière de procéder. Il y avait peut-être une manière extérieure, en quelque sorte, et amicale. C'était une façon de vous faire participer à son génie. Oui, génie il y avait, mais il y avait peut-être d'autres périodes un peu plus souterraines où il s'exprimait comme tout écrivain avec du papier. Jusqu'à... Parce qu'il y a eu quand même cette création d'un langage Artaud, on peut dire, qui ne relevait pas, par exemple, de l'écriture automatique, enfin, ou de l'automatisme. De la même façon qu'il voulait faire naître Artaud, il faisait également naître la poésie d'Artaud ou le poème d'Artaud par un travail, parce que son écriture, ce n'est pas la transcription d'une pensée, mais c'était une pensée qui se faisait par le langage lui-même. Même dans ces mots qu'il inventait, ces glossolalies, il y a un travail proprement littéraire. Il cherchait à définir, à trouver des rythmes. Bien sûr, mais il n'empêche. De la force sur autrui. Mais il n'empêche que le travail qu'il accomplissait ne se faisait pas, je crois. Si vous voulez, au fond, il travaillait son poème jamais à froid. La fièvre ne l'abandonnait pas. Et il retravaillait son poème dans la fièvre. Et pour vraiment voir ce contact, je crois, avec Artaud, enfin, il y a une scène dans le journal de Prevel qui est très explicite. C'est quand Prevel va le voir à Ivry et que Artaud se livre à son poème dansé, n'est-ce pas, en tapant, en émettant des sons qui ne veulent rien dire. Et Prevel est tellement fasciné que Prevel se met lui aussi à danser une sorte de danse du scalp à la suite d'Artaud, c'est-à-dire à entrer dans le poème d'Artaud. Et ça, c'est quand même ce qui reste maintenant d'incommunicable. Exactement, lorsqu'on aborde Artaud. Là, je veux dire, ça reste incommunicable aussi quand on lit les poèmes de Jacques Prevel. Pour ma part, cette lecture me plonge dans un assez grand malaise parce qu'il y a donc cette fascination qu'exerçait Artaud. Mais finalement, les familiers d'Artaud ont tous fait leur route, ont trouvé leur voie. Prevel, il a l'air d'avoir été possédé complètement par Artaud. Et finalement, quand il écrit pour lui-même, on croirait entendre la voix très lointaine d'Artaud, mais sans Artaud. Et alors là, justement, il y a une espèce de romantisme tragique de l'échec qui me paraît terrifiant. Il faut pourtant préciser quelque chose, c'est que Prevel écrivait des poèmes bien avant d'avoir connu Antonin Artaud, et même bien avant de nous avoir connus. Si je me souviens bien, c'est par Adamov que nous l'avons connu, n'est-ce pas ? C'est Adamov qui nous l'a amené. Je ne sais plus exactement dans quelles conditions ils s'étaient rencontrés. Je pense, pour autant que je m'en souvienne, que Prevel avait été très fasciné par Gilbert Lecomte. Il ne l'a rencontré qu'une fois. Mais qu'il a rencontré une fois. Et je crois que c'est par ce canal qu'il a été amené à rencontrer Adam. C'est très possible. Mais ça ne prouve pas que, ne connaissant pas encore Artaud, il ne l'ait pas lu. Il ne l'avait pas lu. Tous les poèmes publiés de Prevel ici sont quand même sous l'influence d'Artaud. Enfin, même déjà les poèmes mortels, il n'a rien de plus pressé que de les envoyer à Antonin Artaud et de recueillir. Les poèmes mortels, il y a une influence, si vous voulez, mais et certains sont plus anciens que les poèmes mortels. Voyez-vous, j'ai une curieuse sensation en vous écoutant tous, qui répond justement peut-être à la forme d'interrogation qu'a dit tout à l'heure Pierre Oster et également Christian Judicelli. C'est finalement comment recevoir Artaud de nos jours. Il y a évidemment une contradiction fondamentale entre ce qui se passe entre nous, je veux dire cette espèce de fièvre, d'amitié et en même temps de vie qui se manifeste, et il n'y a pas de doute du reste qu'Artaud est là parmi nous, j'en suis absolument persuadé, lui-même aussi sans doute. Je veux dire par là qu'il y a cette partie vivante, sacrée, de la formulation poétique du jeu au sens élevé du terme qui se produisait dans sa création. Et il y a le fait que, sur ma table, je vois un certain nombre de livres à couverture blanche et célèbre, MRF, etc., où je feuillette comme je pourrais feuilleter un de ces nombreux romans qu'il n'a jamais lus. Je veux dire qu'il y a cette contradiction. Non, mais que je peux feuilleter, que je peux ouvrir. C'est ça que je veux dire. Je peux ouvrir et regarder des textes noirs sur blanc. Il y a cette contradiction fondamentale et qu'il faudrait tout de même peut-être davantage expliciter pour ceux qui nous écoutent. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je comprends très bien. On va maintenant introduire une confusion parce que vous dites, bon, j'ai 14 volumes sur ma table, ça s'appelle « Œuvre complète d'Antonin Artaud ». Mais en les lisant, on voit qu'il n'y a pas d'œuvre à proprement parler chez Artaud. Et depuis le début, même l'Ombilique des Limpes, même le Pesner, il n'y a pas de clôture du livre chez Artaud. Les œuvres complètes, il n'y a pas d'autre mot, bien entendu, puisqu'effectivement, c'est tout ce qu'il a écrit. Mais le mot « œuvre » me semble ne pas être une définition satisfaisante de cet ensemble de textes qui s'organisent avec la littérature, mais également avec l'intime du personnage. Je crois qu'Artaud, on ne peut pas scinder les choses. Mais je ne vous demande pas de les scinder. Je demande simplement de pouvoir exposer, si vous voulez, comment nous, qui n'avons pas connu, ou ceux qui nous écoutent qui ne l'ont pas connu, peuvent aborder cette œuvre, ou sinon l'aborder s'ils la connaissent déjà, la reprendre et la connaître profondément. Parce que dans ces œuvres, et notamment dans ces derniers ouvrages, il y a toute cette correspondance, ces lettres de Rodez, n'est-ce pas, qui sont fascinante et profondément émouvante en même temps, et ça on n'en a peut-être pas assez parlé. Il y a donc là toute une partie de vie quotidienne aussi, en dehors même de l'œuvre proprement dite, qui du reste nous font apparaître aussi dans ces différentes allures d'Artaud à la fois cet amour et cette religion et ce sens du sacré et en même temps ce sens de l'imprécation. Il y a tous ces aspects qui apparaissent. Alors tout de même, peut-être faudrait-il en parler. Bernard Noël. Moi qui n'ai pas connu Artaud, enfin, à travers tout ce que vous dites, ça me donne envie de témoigner finalement. Je me demande si je n'ai pas publié Prevel par compensation. Je m'explique. Moi, j'ai débarqué à Paris en 1950, c'est-à-dire tous ces gens finalement étant morts. Et pour moi, mes maîtres, enfin mes intercesseurs, ont été leurs nouvelles. 84, dont on n'a pas parlé. Et avec mon premier argent, je me suis acheté Le Grand Jeu. Si vous voulez, ça situe donc tout un certain paysage. Et en réalité, la lecture de ces gens, je crois, m'a empêché de vivre, au fond, pendant près de 20 ans. C'est-à-dire que ça ne concerne que moi. Je n'ai pas réussi à écrire, tout en ne pouvant pas faire autre chose qu'écrire. J'ai, au fond, attendu 20 ans pour ça. Et ensuite, si vous voulez, vis-à-vis de Prevel, par exemple, à la fois il me fascine, il me repousse. Je dirais même qu'il me dégoûte par certains côtés, ce qui est un peu trop fort. Mais si vous voulez, j'ai vécu avec ces poèmes de Prevel que je n'aime pas pendant à peu près 5 ans pour leur trouver un éditeur. C'est-à-dire que je les ai dactylographiés moi-même, etc. Et à la fois, d'une part, je ne les aime pas, mais d'autre part, les lisant, je ne peux que les aimer. Parce que, bon, la forme n'existe pas, mais la poésie est là, si je puis dire. Cette poésie l'emporte, finalement. Le cas Prevel, car c'est un cas effectivement Prevel, et ça rejoint ce que disait Marthe Robert sur une société littéraire disparue, et ça répond à la question que Pierre Oster posait tout à l'heure. Voici un garçon qui vit en province, Prevel, qui a un petit emploi dans une administration, et qui est saisi par le feu poétique. Je dis le feu poétique et pas du tout une vocation littéraire. Oui, car Prével, à part son journal, n'a jamais écrit de prose, n'est-ce pas? Il avait écrit une pièce à laquelle il tenait beaucoup et qu'il a perdue. Une pièce. Mais ce qui est assez fascinant dans le cas de Prével, sur un autre plan, c'est qu'il n'existe pas dans la littérature française de poésie naïve, au fond. Et c'est un poète naïf, je veux dire, c'est un poète absolument autodidacte, me semble-t-il. Oui, mais attendez, ce que je veux dire. Et qui rencontre Artaud et qui ne s'en remet pas. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Jacques Bonnet? Non, ce que je voulais dire, c'est que voici quelqu'un qui abandonne toute situation, tout parapet, tout garde-fou, qui trouve d'ailleurs moyen d'avoir quand même deux femmes et un enfant, qui est donc dans une situation absolument incroyable, mais qui, croyant à la poésie et pensant que la poésie est l'essentiel et que le reste doit être balayé, voici quelqu'un qui, en effet, est allé, étant de mauvaise santé, est allé tout droit à la mort, effectivement. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore des jeunes gens qui ne songent absolument pas à la matérielle, comme on dit, et qui, pour la poésie, qui est malgré tout de la littérature, il y a là quelque chose qui, je crois, va disparaître? D'ailleurs, Hubert Join, tout à l'heure, disait « Je ne me rappelle même plus de quoi nous vivions ». Personne ne sait comment. On voit Artaud dans le journal de Prével, arrivé au 84 chez Bizot, et qu'est-ce qu'on y mange? Des pommes de terre à l'eau. Et Artaud accepte de manger des pommes de terre. C'était l'époque. Enfin, non, c'était l'époque, mais c'était quand même quelque chose qui n'existe plus, je oui, crois, aujourd'hui. Sans doute, Jacques Brenner, mais beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui vivent exactement qui en littérature de terre. Et qui mangent des pommes de terre. Comment vit Christian Guèze, par exemple, qui vient de se fiancer à Patmos avec une descendante de Gengis Khan? Je vous le demande, il vit de rien. Il a communié en novembre dans la cathédrale de Ljubljana. Il neigeait et il était pieds nus. Et sa fiancée l'était également. Ils vont se faire prêtres. Ils vivent comme Artaud et comme Crevel. Ah, mais voilà. Tout à fait, exactement. Seulement, vous avez justement dit le mot. Ils vont se faire prêtres. Tandis que là, il n'y avait pas d'autres prêtres pour Prével qu'Antonin Artaud lui-même. Pas d'autres religions que la poésie telle qu'il la concevait. Pas d'autres rites que d'écrire des poèmes. Vous comprenez, toute la différence est là. Mais alors, on jette un énorme manteau de Noé sur les périodes d'exaltation religieuse par lesquelles est passé Antonin Artaud. Il avait une doctrine de la chasteté qui seul permettait d'écrire. Il l'a toujours gardé. Oui. Oh, ça, c'est une autre affaire, autre affaire. Il y a des rapports, Henri Thomas, extrêmement curieux entre Artaud et la sexualité. Oui, ils sont curieux et en même temps, ils ne sont pas compliqués, si on veut. C'est un refus total. Qui apparente Artaud véritablement à des sectes de gnostiques. Il y a chez lui une détestation de tout ce qui ressemble à un contact charnel qui s'exprime 100 fois. Oui, dans les lettres de Rodez. Le contact charnel n'est qu'une partie de la sexualité. C'est un refus de l'influence sexuelle. Artaud se sentait menacé par des êtres qui perchaient au Tibet ou au centre de la Terre. Également dans le 16e arrondissement, près de chez M. Griot de Givry, qui d'ailleurs était mort en 1929. Par exemple, il prétendait, il se passe dans Paris des choses immondes, disons le mot, des partouzes, pour étouffer Antonin Artaud à distance. On m'empêche de travailler. Et également des repas où les gens se gavaient d'aliments. Il mettait en garde moi-même, il me disait, Henri Thomas, prenez garde aux gens qui déversent sur vous leurs tiroirs fluidiques. Et j'avais grand peur des tiroirs fluidiques, je n'avais pas tort d'ailleurs. C'était un monde d'influence, disons magique. Bartholomew n'aimait pas beaucoup la magie, naturellement. Mais en 1945, il abandonne ce qu'il appelait cette doctrine de la chasteté. Tout d'un coup, il y a une lettre à René de Saulier où il dit « J'en ai fini avec Dieu, j'ai enfin trouvé le moyen de m'exprimer autrement ». Mais en fait, dans sa vie, il est resté hostile à ce que vous appelez, vous, l'influence d'abord, sexuelle. D'abord, écoutez, Artaud était un squelette ambulant à la fin. Il se maintenait par une prodigieuse énergie psychique, mais il n'était pas question de vie sexuelle. Mais il avait un sens aigu de la beauté. Il aimait être entouré de belles jeunes filles, de belles jeunes femmes. Arrangez ça comme vous pourrez. Il lui fallait de la beauté. Il n'aurait jamais aimé une vieille sorcière. Et je crois que tout ça est tout de même très cohérent, finalement, Henri Thomas, parce que l'amour de la beauté est justement en contradiction avec l'existence du mal. J'en reviens toujours à cela. Pour Artaud, il y a un mal. Pour Artaud, mais je veux dire que pour la création, il y a un mal. Il y a un mal dans la création. C'est cela aussi qu'il ressentait profondément. De même qu'il y a cette espèce de vase communicant entre tous les actes des êtres et que l'on est autant menacé par ce que les autres font que par ce que nous faisons nous-mêmes. Et ça me paraît non pas du tout un signe de folie, mais un signe d'une espèce de raison supérieure qui est bien plus grande que toutes les folies. Oui, et à propos justement de la beauté, des êtres beaux, des êtres jeunes, des enfants, Artaud avait un art de parler aux enfants qui était extraordinaire. Eh bien, la beauté, il avait peur pour elle. Il voulait qu'elle soit sauvée. Or, elle est massacrée dans la vie sexuelle. La beauté n'a rien à voir avec la sexualité. Et il avait horreur de ce qui supprime l'unique. Mais dans l'œuvre d'Artaud, tout est ressenti, tout le monde qui l'entoure, lui-même, son corps, tout lui est ressenti comme insupportable. Vous parliez de douleur physique tout à l'heure, mais il y a une douleur complète vis-à-vis de la création et vis-à-vis de lui-même. Oui, elle avait commencé très tôt. Vous savez, à 17 ans, Artaud a souffert beaucoup de troubles sur lesquels aucun médecin même, je crois, ne peut se prononcer, puisqu'on n'a pas les données. Mais il disait, dès l'âge de 17 ans, j'ai perdu de grands pans de l'euphorie primitive, c'est-à-dire de la vie. Et alors il les remplaçait comme il pouvait. Il faut bien dire une chose, Artaud ne faisait aucune propagande pour la drogue. Il mettait en garde les gens. Il disait, moi, j'ai perdu une partie de mon existence. Je suis obligé d'avoir recours à ceci. Il y a peut-être une plante quelque part au monde qui me rendrait la vie. Mais s'il avait gardé cette euphorie primitive, c'était parfait. Il aurait été au 6e siècle grec. Il a essayé plusieurs fois de se désintoxiquer. Jean Paulhan a payé une cure. Il a essayé de se désintoxiquer pendant le voyage en bateau en direction du Mexique. Et il échouait. Il est mort dans la drogue, si je puis dire, c'est-à-dire dans la douleur. Le médecin lui-même lui administrait le plus possible. Vous savez, avec un cancer qu'on n'avait pas diagnostiqué à temps, bien sûr, il n'y avait pas d'autre remède, il n'y avait pas d'autre palliatif. Et alors, il avalait de l'opium et se mettait à travailler. J'ai remarqué que chez beaucoup d'intoxiqués, c'est une paralysie de la volonté de créer. C'est Artaud. Il est venu une fois chez moi, il me dit « Avez-vous un compte-gouttes ?» Je cherchais un compte-goutte. Il avait une petite fiole de laudanum. Je me retourne, il avait avalé toute la fiole. Il me dit, je bois des ombres. Puis il est resté silencieux et une demi-heure après, il s'est mis à me parler. Une sorte de rêve éveillé qui était extraordinaire. Et puis à écrire. Marthe Robert. Alors là, nous entrons, si vous voulez, dans le domaine du contenu de son œuvre. Et je trouvais très intéressante votre question tout à l'heure, Roger Vrigny. Comment peut-on lire aujourd'hui ? C'est la question qu'on aurait dû se poser pour les surréalistes, si justement les surréalistes, eux, n'avaient pas fait une œuvre. Mais pour eux, la question ne se pose pas. Elle se pose en effet pour Antonin Artaud. Et à ce sujet, eh bien, j'ai peut-être un fait à mentionner qui est significatif. Il y a un jeune Américain qui connaissait à peine le français et qui est tombé, il y a déjà quelques années, comme ça, on peut dire qu'il est tombé par hasard sur des livres d'Antonin Artaud. Imaginez, à Philadelphie, un étudiant en psychologie, je crois bien, et qui tombe littéralement sur des poèmes et des livres, le théâtre est son double peut-être, je ne sais pas, il y a sur des poèmes aussi de la fin de sa vie, et qui alors, et c'est ça qui est, si vous voulez, troublant, qui est curieux, il ne sait rien. Encore une fois, il sait à peine le français. Il n'a donc rien lu. Il connaît très mal toute cette période, peut-être même pas du tout. Et il est saisi, littéralement. Et il ne peut plus faire autrement que d'apprendre le français, de venir à Paris, où il est maintenant, et d'écrire un livre sur Antonin Artaud. Je dois dire d'ailleurs, tel que je le vois travailler, ce sera justement un livre extrêmement utile, parce que c'est une vraie biographie. Il fait un travail de recherche que personne d'entre nous n'a jamais fait. Il y a une biographie d'Antonin Artaud qui est apparue dans des conditions un peu étranges à la table ronde, si je ne me trompe. De Louis Brault. Oui, travail seulement contestable, paraît-il, mais que l'on mais peut citer à l'occasion. C'est un travail contestable c'est simplement parce qu'il n'est pas du tout fondé sur des documents irrécusables, n'est-ce pas ? Il y a des périodes entières de la vie d'Antonin Artaud qui sont absolument dans le noir pour nous, n'est-ce pas ? Nous ne savons rien là-dessus que ce qu'il a dit. Par exemple, son voyage en Irlande. Nous n'avons absolument aucun témoignage, aucun document. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. L'épisode de Marseille, par exemple. L'épisode de Marseille. Là, il est allé en Irlande, il a été dans la prison où Antonin Artaud a été enfermé. Il a été retrouvé l'ambassadeur de France à Dublin, qui était en poste à ce moment-là, pour lui poser des questions, n'est-ce pas, pour lui dire, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous mis cet homme en prison? C'est d'ailleurs très intéressant, les Irlandais sont extrêmement ennuyés. Il n'aime pas du tout, longtemps. Mais oui, n'est-ce pas, parce qu'il ne savait pas du tout qui était cet homme. C'était un vagabond. Il n'était précédé de rien dans ce pays. Il n'avait rien pour lui, il n'avait pas de moyens d'existence. En plus de ça, il marchait dans les rues en tenant des propos bizarres et apparemment très menaçants. Bon, on l'a arrêté, puis on l'a fait tout simplement rapatrier. C'est très simple et c'est horrible parce que tout est parti de tout là. Tout est parti de là. Pour ma part, j'ai toujours pensé que si Antonin Artaud n'avait jamais quitté Montparnasse, il n'y serait rien arrivé. À Dublin, c'était autre chose. Enfin, donc, cet ouvrage dont je vous parle va être très utile. Il avait vraiment un travail de recherche que, justement, personne d'entre nous n'a fait, ne pouvait et ne voulait probablement faire à cause, justement, de la fascination qu'Antonin Artaud a exercé sur nous et qui a empêché, au fond, jusqu'à présent, tout travail littéraire sérieux. Vous ne pouviez pas le mettre dans l'histoire. Sur son œuvre. Mais oui, c'est vrai. Et il en existe une sorte de reflet, si vous voulez. C'est que ceux qui ont vraiment vu vivre Artaud ne peuvent plus réellement avoir envers la littérature une confiance, disons, totale. Enfin, il a bouleversé des gens, il a bouleversé ses amis. Et je sais s'il les martelait, enfin, quelle épreuve c'était. Mais il avait raison, car il en reste un ébranlement qui n'est pas proprement littéraire, qui est moral. Marthe Robert. Pour ma part, je me refuse absolument à faire entrer les thèmes et les schémas affectifs, poétiques d'Antonin Artaud dans une quelconque forme d'idéologie. Parce que ça, je sais qu'il ne le voulait pas. À la fin de sa vie, au moment où il a atteint un degré de lucidité absolument extraordinaire, au moment où il était usé complètement, très malade, très malade, nous le savions, nous le voyions. C'est à ce moment-là qu'il a atteint le plus haut degré, si je puis dire, d'intelligence. Il était positivement rayonnant d'intelligence. Et quand je dis intelligence... Et de voyance. Je dis intelligence, justement, parce que la voyance, on la lui accorde. Mais là, je dis intelligence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jacques Brenner, des derniers poèmes qu'il nous lisait et qui étaient, justement, une espèce de précaution qu'il prenait, précaution poétique, mais précaution intellectuelle aussi, contre toutes les interprétations qu'on pourrait donner de sa pensée. C'est justement une espèce de critique de tous les concepts dans lesquels on serait tenté peut-être de les définir, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir définir quelque chose. Les rapports d'Antonin Artaud avec le corps, avec la chasteté, eh bien justement, ils sont uniques en leur genre. Vous leur trouverez partout les précédents. Pourquoi ? Parce que l'âme humaine est faite partout de la même manière, parce que la psyché humaine n'a pas 36 façons de s'exprimer et de se défendre surtout. Car Antonin Artaud s'est défendu, il a dû se défendre terriblement, il le disait lui-même, c'était une lutte au couteau qu'il devait mener à chaque instant pour vivre et pour survivre. Alors, par un certain côté, si vous voulez, les idées d'Antonin Artaud sont les plus banales qui soient. Il n'est pas le seul à avoir cru que la sexualité, la dépense d'énergie que représente la sexualité, prive un homme de ses forces spirituelles. Il n'est vraiment pas le seul. On a toute une civilisation qui a été fondée sur ce préjugé. Il n'est pas le seul non plus à s'être senti possédé par des forces qui le dépassaient et par des puissances qui étaient pour lui forcément des puissances du mal parce qu'elles le faisaient souffrir. Tout ça se rapporte à la souffrance réelle qu'il avait. Il n'est vraiment pas le seul. C'est la partie la moins originale de son œuvre, si vous voulez, celle qui, au fond, peut être laissée de côté. C'est mon avis. Évidemment, je conçois qu'on puisse avoir une toute autre façon de voir. Mais, à condition de relire, en effet, les derniers poèmes d'Antonin Artaud, malheureusement, ils ne sont pas encore publiés. Ils sont encore à l'état de manuscrit, et je le déplore beaucoup, parce que c'est là, vraiment, je crois, qu'on pourrait voir, disons, son testament intellectuel, véritablement. Parce que là, Antonin Artaud nous donne vraiment toutes les indications de ce qu'il ne faut pas faire pour le comprendre. Et précisément, le ramener à quelques dénominateurs communs que ce soit d'une forme de culture, d'une forme de religion, d'une philosophie de la vie. Ça, vraiment, je crois que là, on lui fait le plus grand tort en le comparant à quoi que ce soit. Je m'explique. La personne d'Antonin Artaud nous renvoie incontestablement au très grave problème du narcissisme du créateur. Antonin Artaud était un très grand narcissiste, cela va de soi. Et cela, bien qu'il ait été en même temps un homme extrêmement modeste, très bon, doué d'une bonté de cœur vraiment extraordinaire et discret, qui aimait la discrétion. Et malgré cela, il a écrit « Pour n'être comparé à rien », je ne crois pas me tromper, en disant que c'était au fond la seule pièce de croyance qu'on pouvait trouver. Il avait quand même foi en lui et foi en son génie, bien sûr. De même qu'il ne supportait pas le tutoiement, comme il a écrit, vous avez quelque part, pas de copinage avec moi, pas de tutoiement. Il ne supportait pas non plus la comparaison. Cette main qui faisait signe contre la vitre va la chercher dans le cimetière d'Ivry, et la voix et la gesticulation du pitre, on l'avait entendu chanter durant la nuit. Une dernière fois, envoyé d'un bras gourd, la hache a rebondi sur le bloc d'acajou d'où ne surgira pas le totem vrai, le clou qui reste inarraché dans l'être pour toujours. Artaud s'assied, visage en cendre dans le vent. C'est l'aube où fume encore un dernier campement, l'âtre noir où se perd la piste du voyage du cavalier qui monte en chantant vers l'orage. Artaud meurt essayant d'enfiler sa chaussette, mais le Tibet retient la main qui se dessèche. Artaud, plein de pavots étouffés dans sa tête, Artaud dit « Non !» dans son cercueil au coup de bêche. C'était, en compagnie d'Antonin Artaud, un samedi de France Culture proposé par Roger Vrigny, diffusé la première fois le 10 mai 1975 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Artistas entoam baladas para as suas amadas com grandes orquestras. Como os invejo, como os admiro. Eu que te vejo e nem quase respiro. Quantos poetas românticos, prosas exaltam suas musas com todas as letras. Eu te murmuro, eu te suspiro. Eu que soletro teu nome no escuro. Me escutas, Cecília? Mas eu te chamava em silêncio, na tua presença. Palavras são brutas. Pode ser que entreabertos meus lábios de leve tremessem por ti. Mas nem as sutis melodias merecem, Cecília, teu nome espalhar por aí, como tantos poetas, tantos cantores, tantas Cecílias com mil refletores. Eu que não digo, mas ardo de desejo. Te olho, te guardo, te sigo, te...